iOS. C'est d'ailleurs plutôt une bonne nouvelle en matière de sécurité puisque cette nouvelle version de Firefox corrige entre autres deux failles classées critiques, c'est-à-dire permettant une prise de contrôle non sollicitée de la machine à distance. Alors vite, à vos mises à jour. Belle journée. Jackie réveille la Réunion. Si on parlait culture, tiens, sur Réunion Première, vous savez, ce soir, à partir de 18h15, c'est Culture Première. Rendez-vous donc à 18h15, il sera question d'humour avec Lisiane qui organise avec l'humoriste Shirley Soignon un atelier de stand-up la semaine prochaine. Ensuite, il y aura aussi Philippe Vénère, dans l'espoir qu'il sera de bonne humeur. Alors Philippe Vénère, le président de l'association des faiseurs de légendes, il viendra parler entre autres de l'engouement autour du fantastique médiéval. Et aussi question de musique, bien évidemment, sur la première, une émission présentée par Mélodie Nourry à partir de 18h15. Nous irons au marché forain des Camélias ce matin encore avec Prisca à 9h50. Alors le mot de passe, c'est Jacquine avec Réunion Première. Et puisque Jackie de Saint-François, il a inventé un nouvel agrume. Et il y en a sur le marché forain des Camélias. On l'a baptisé comme ça, hein, la Jacquine avec Prisca ce matin. C'est le mot de passe si vous allez rejoindre Prisca entre 10h et 10h30 ce matin. Avec un peu d'avance, mes amis, eh bien, je souhaite à tous les gentils papas une bonne fête pour dimanche et je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Si j'avais su, j'aurais tout esquivé sans hésiter. Mais le manque de blé m'a poussé à tirer. Le film est fait, je ne peux qu'assumer. Maman, papa, désolé, désolé, désolé. On a cru en l'Eldorado. Les jours défilent, tout devient punible. Le système jette de l'huile sur le feu. Mais ce sont les mêmes qui se brûlent, marre de voir la maman pleurer et le daron qui se casse le dos. Les factures s'entassent et viennent de couper l'eau. La situation ne fait qu'empirer. J'suis qu'un jeune révolté. Si j'avais su, j'aurais tout esquivé sans hésiter. Mais le manque de blé m'a poussé à tirer. Le film est fait, je ne peux qu'assumer. Maman, papa, désolé, désolé, désolé. Désolé, désolé. Maman, papa, désolé, désolé. Désolé, désolé. Maman, papa, désolé. J'ai voulu essuyer vos larmes, essuyer vos dettes, finir avec cet homme qui nous guettait. Vivre une vie normale, vous voir avec mes deux stress, profiter de ce soleil d'été. En vérité, qui est le fautif, le pauvre, ou celui qui prend un mal, un plaisir à lui d'accéder sous peine de l'éjecter de son propre foyer, mais nous sommes des humains comme si j'avais su. Dipanda sur Réunion Première avec Si j'avais su, dans quelques secondes, des nouvelles du trafic routier avec Yves Gruyer. On accueille Claude Montané dans les studios. Bonjour Claude. Jackie, bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on tend la main aux personnes âgées. Et surtout, on va briser un tabou, briser le silence, Jackie. Les gramounes sont maltraités dans la société. Et puis avec nos invités, nous verrons comment c'est possible de se faire aider. Et puis comment en parler. L'accompagnement est très important. Les réactions au standard de la première, 02 62 99 2000. Claude Montané sur la première pour Allo Première 99 2000. Dans deux minutes, le journal de la rédaction. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Et nous sommes avec vous à la Ravine des Chèvres, Yves. Ça roule dans les deux sens, ça roule surtout en provenance de l'Est, forcément, à cette heure-ci. C'est toujours inquiétant de savoir comment on va circuler entre Saint-André et Saint-Denis. Alors, il y a quand même des ralentissements, mais ils se situent après l'échangeur du Verger, le plateau de la Mare. Dans un premier temps, pour passer le secteur du parc Gillot et le début du pont de la rivière des Pluies. Après, une petite zone roulante. début de la ligne droite de la Jamaïque et puis ça recoince avant le virage avant de rejoindre le front de mer de Saint-Denis. Attention, avec quelques ralentissements également sur la tranchée couverte côté mer sur le boulevard sud en direction de l'ouest avec un pont Vincent dégagé. La circulation fluide sur la route du littoral, des ralentissements simplement sous le tunnel du Cap Bernard, donc il n'y a pas eu de gros trafic sur la corniche ce matin. Et puis côté ouest, bah, c'est de nouveau en bas de viaduc, hein, donc ça se passe plutôt correctement, sachant qu'entre Grand Fond et Boucan, la circulation se fait normalement. Le Grand Boucan, d'ailleurs, c'est l'événement de ce week-end, notamment dans l'ouest à Saint-Gilles, avec, je rappelle, la mise en service du rond-point depuis hier matin, rond-point côté sud de l'agglomération. Une possibilité maintenant pour vous d'accéder directement au centre-ville et au port sans passer par Carrosse en venant de la Saline des Bains et puis de nouveau sortir de la rue Général de Gaulle vers la Nationale. C'est également de nouveau possible. Très bonne route avec la première. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Il fera entre 14 et 16 degrés dans les Hauts aujourd'hui, jusqu'à 27 degrés en bord de mer. Nous sommes le vendredi 17 juin. Bonne journée à l'écoute de la première. Il est 8h. Le journal Cécile Thomas, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Beaucoup de questions après le terrible accident de la circulation qui a fait un mort et quatre blessés hier à Saint-Denis. Un camion fou a percuté plusieurs véhicules avant d'accrocher une petite voiture et se coucher sur la route. Le passager de la voiture est décédé. Le chauffeur du camion blessé pourra peut-être apporter des réponses. Nous entendrons un témoin choqué par ce qu'il a vu. Des malades qui ne connaissent que l'hôpital, des adultes mais aussi des mineurs venus des Comores via Mayotte. Ils sont soignés à l'hôpital de Saint-Denis mais n'ont aucune vie en deux. Dehors, que peut-on faire? Question posée aujourd'hui par l'hôpital. Reportage dans ce journal. À Mayotte, les habitants qui peuvent le faire fuient la grande terre où l'insécurité fait peur. Le marché locatif de Mamoudzou et de Petite Terre est saturé. Et puis Grand Boucan, c'est dimanche, ambiance carnaval à Saint-Gilles avec une reine qui mènera le défilé. C'est une première. Réunion première, Cécile Thomas. Un mort et quatre blessés, c'est le lourd bilan d'un accident survenu hier sur le boulevard Lancastel à Saint-Denis. Un camion a violemment percuté une petite voiture. C'est le passager de ce véhicule qui a été tué. Les automobilistes avaient constaté la trajectoire étrange de ce camion depuis la route du littoral. Le conducteur ne semblait pas maîtriser son véhicule. Il roulait trop vite et a provoqué plusieurs accrochages jusqu'au choc qui a couché le poids lourd. Son chargement de terre s'est déversé sur la chaussée. Le chauffeur de 27 ans est blessé aux jambes. Tout cela s'est passé non loin de la caserne des pompiers de Saint-Denis qui sont intervenus rapidement. La police a également été appelée sur place. Dominique se trouvait sur le lieu de l'accident. Il a été choqué par ce qu'il a vu. Ça lui a fait prendre des dangers, des dangers de la route. Des fois, en auto-école, quand on repasse les vidéos, mais là, on dit peut-être la vidéo, c'est un truc monté. Non, mais là, quand on va sur place, c'est pas un truc monté, c'est du réel. Là, on voit vraiment que là, il faut vraiment faire attention quand on prend le volant. Moi, désormais, maintenant, quand je vais prendre le volant, je réfléchis déjà. Ça va rester dans ma tête. Et puis, je pense à mes gamins derrière, à cette société. Il faut être carré, les gars. Sinon, l'hécatombe, je pense que ça risque de remonter. Hein. C'est toute la Réunion, là, un truc comme ça. Toute la Réunion est choquée là, de voir un truc comme ça. Même de l'entendre. Hein. Dominique, un témoin de l'accident interrogé par Antoine Garnier. Une enquête de police est en cours. Elle devrait permettre d'en savoir plus sur les circonstances de ce grave accident. Dans l'actualité également, l'eau moins chère pour certains habitants du Sud. Après 2 ans de galère, c'est une bonne nouvelle pour les abonnés de Sudéo. Depuis l'arrivée de ce fermier pour la distribution de l'eau à la Cassud, les prix des factures s'étaient envolés. Les baisses vont concerner les communes de l'entre-deux du Tampon, de Saint-Philippe et de Saint-Joseph. Malgré tout, l'eau risque d'augmenter dans les années à venir en raison des investissements à faire. La baisse du prix de l'eau, baisse des prix en général le mois dernier, c'est ce que révèle l'indice des prix à la consommation de l'INSEE, -0,2% en mai à La Réunion. Cet indice permet de mesurer l'inflation et c'est à partir de ça que les pensions alimentaires, les loyers ou encore les produits financiers sont revalorisés. Comment s'explique cette baisse? Élément de réponse avec Sophie Persson. Vous nourrir vous aura coûté moins cher en mai, enfin tout dépend de ce que vous avez mangé, car ce sont surtout les prix des produits frais, et notamment des légumes, qui ont diminué, moins 1%. Si vous avez craqué pour des chaussures ou des vêtements, là aussi la tendance était à la baisse, mais si vous avez voyagé en avion, alors là, les tarifs ont augmenté de 1,5%. Cependant, pour les touristes, le prix des forfaits a diminué au mois de mai. Si vous avez fait une vidange ou fait réparer votre voiture le mois dernier, ce n'était pas le bon moment plus cher qu'en avril. Énergie et produits pétroliers en hausse font du coup baisser la moyenne et on arrive à moins 0,2% pour les prix au mois de mai. Enfin, si on regarde globalement, vous avez bénéficié d'une baisse de moins 0,3% des prix sur un an à La Réunion. C'est mieux qu'en France hexagonale où les prix sont restés stables. Sophie Persson. Ce sont des enfants, ils sont hospitalisés et ils sont seuls. Le CHU Félix Guyon accueille des malades majeurs mais aussi des mineurs venus des Comores. Ils sont arrivés là après un passage par Mayotte. Ils ont fui leur pays pour être soignés. Et certes, ils reçoivent des traitements mais n'ont aucune vie en dehors de l'hôpital. Comment mieux faire, se demande l'établissement et qui pose également la question aux membres de l'espace éthique de La Réunion. Depuis sa départementalisation et le développement de son offre de soins, Mayotte doit faire face à un flux important d'immigrés clandestins, parfois malades. Un grand nombre de ces personnes souffrant de pathologies graves sont évacuées sur les hôpitaux réunionnais. Et parmi ces patients, il y a des enfants dialysés. Le reportage de Daniel Dambreville. Ils sont mineurs, souffrent d'insuffisance rénale grave. Ils ont quitté les Comores, souvent illégalement, pour se faire soigner à Mayotte, avant d'être envoyés dans le service de dialyse du CHU de Belle-Pierre. Mais ces jeunes patients, éloignés de leur famille pendant plusieurs mois, souffrent d'isolement. Docteur Edouard Kaufmann, président de l'espace éthique de La Réunion. Ces enfants ne peuvent pas retourner sur leur île et deviennent finalement des enfants hospitaliers qui vivent dans l'hôpital. Le rôle de l'hôpital étant cantonné aux soins ne suffit pas à remplir la vie de ces enfants qui ont besoin d'autre chose, de social, d'éducation. Un déracinement qui affecte aussi les patients adultes. Mais à cette problématique de prise en charge globale s'ajoute celle du coût. En 2008, le CHU estimait avoir dépensé 60 millions d'euros pour 150 malades comoriens. Aujourd'hui, ce chiffre a quasiment doublé. Écartelé entre son obligation de soins et les économies drastiques imposées par le gouvernement, le CHU a sollicité l'avis de l'espace éthique de La Réunion. Il n'y a pas de solution. Docteur Bruno Bourgeon. C'est ça qui est terrible à dire, c'est qu'il n'y a pas de solution. On ne peut pas imaginer que Mayotte puisse regagner le giron comorien. On ne peut pas imaginer un co-développement dont on sait qu'ils vont aller dans les poches des dirigeants comoriens. Ou alors il faut pister chaque euro. Donc la seule solution, c'est de continuer à prendre en charge par l'État français ces patients. En attendant un potentiel développement du tissu médical aux Comores, l'hôpital Félix Guyon n'a pas le choix, insiste l'espace éthique. Renvoyer ces malades chez eux serait les condamner. Daniel Dambreville, et l'on reparlera de Mayotte un peu plus tard dans ce journal avec un reportage de nos confrères de Mayotte Première. Accoucher à la maison, c'est une idée qui séduit certaines femmes. Elles n'ont pas très envie de donner naissance à leur enfant à l'hôpital et cherchent un cocon plus douillet, moins médical. Pas facile, cela dit, d'accoucher chez soi. C'est pour cela qu'existent les maisons de naissance. L'une d'entre elles a ouvert ses portes à Saint-Paul et on pouvait la visiter hier. Manao peut accueillir les futures mamans depuis le 1er avril dernier. La maison se trouve au sein du service maternité du centre hospitalier Gabriel Martin. Gladys Laravine est sage-femme à l'hôpital Gabriel Martin et présidente de l'association Joie de naître qui porte le projet Manao. En quoi cet endroit est différent d'une maternité ? Un environnement déjà qui rappelle moins le milieu hospitalier médicalisé. Donc c'est vrai qu'on a essayé au niveau des décors, au niveau du mobilier, de faire en sorte que ça ressemble vraiment à un chez-soi. Donc l'idée c'est vraiment qu'elles s'approprient complètement ce lieu, qu'elles se sentent plus détendues, mais surtout qu'elles aient un accompagnement global par une même sage-femme. Donc c'est vrai que l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles ont entre guillemets presque à leur disposition une sage-femme en permanence, disponible au bout du fil, qu'elles contactent au moment où elles se mettent en travail. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une relation qui se crée tout au long de la grossesse, avec du coup une confiance installée au moment de l'accouchement, ce qui est très rassurant quand on accouche déjà sans péridurale. Gladys Laravine, sage-femme à l'hôpital Gabriel Martin et présidente de l'association Joie de naître, interrogée par Joanne Adama Dorassi. On reste à Saint-Paul avec deux résidences de la CEMADER qui ont été inaugurées hier au Bernica. La résidence Simon Gavol accueille 36 appartements de type logement locatif social et la résidence Le Comte de Lille qui propose 18 appartements en location accession des locataires qui pourront devenir propriétaire de ces logements. Pour Annie Pignolet-Dumont, l'élu en charge de l'habitat social à Saint-Paul, l'aboutissement de ces projets de logement est un moment important. Cette assistante sociale a travaillé sur le secteur du Bernica. C'est une grande satisfaction parce qu'aujourd'hui, nous arrivons quand même à reloger 54 familles que, effectivement, en lien avec 3000 demandes en souffrance, et ben aujourd'hui, c'est pouvoir donner la clé, quelque part, du bonheur, entre guillemets, à ces familles-là. C'est vrai que moi, j'ai le social qui me tient à cœur. Ce sont des familles avec lesquelles j'avais déjà des liens et qu'aujourd'hui, politiquement parlant, c'est une fierté parce que je me rends compte que vraiment, pour le coup, eh ben, les moyens que je cherchais moi par le biais du volet politique, eh ben, c'est bien présent. Annie Pignolet-Dumont, élue à la mairie de Saint-Paul, au micro de Johanna Damatorassi. On parle logement encore, mais cette fois à Mayotte, les demandes de déménagement vers Mamoudzou explosent à tel point que le marché locatif est totalement saturé. Selon les agences immobilières, les locataires de grandes terres fuient l'insécurité grandissante de l'île. Ils veulent trouver refuge dans la grande ville de Mamoudzou ou encore en petites terres censées être encore épargnées par le climat de tension. Frati Youssouf Saïd. 60 demandes de logement intermédiaire pour la petite terre qui en compte 70 enregistrées par la CIM cette année. Il s'agit de locataires qui veulent fuir l'insécurité galopante en Grande-Terre, mais ces demandes resteront insatisfaites pour la plupart. El Sadat Souleymana, responsable gestion locative à la CIM. Mais comme on n'a pas une capacité de loger tout le monde là-bas, donc on leur dit non, petite terre, on n'a pas de disponibilité. Nous avons 1600 logements en intermédiaire, 79 seulement sont en petite terre. Le taux de vacance en petite terre est de zéro. Cet engouement pour la petite terre ne date pas d'aujourd'hui, même s'il est encore plus accentué ces derniers temps. La grosse clientèle de la CIM souhaite habiter à côté de son lieu de travail et c'est la petite terre qui répond mieux à cette exigence. El Sadat Souleymana, responsable gestion locative à la CIM. Nous disposons quand même de deux collèges, un lycée, mais aussi deux BTS. Comme une grande majorité de notre clientèle est composée de fonctionnaires de l'éducation nationale, mais aussi les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Nous avons le CRA là-bas, nous avons aussi la police aux frontières en petite terre. Il y a tout ce monde-là qui veulent habiter en petite terre. À ce jour, la CIM connaît un taux de vacance de 8%, c'est-à-dire que plus de 100 logements sont encore inoccupés et les locataires ne se bousculent pas. Ils n'ont d'yeux que pour la petite terre et la ville de Mamoudzou, toutes deux saturées. Frati Youssouf Saïd de Mayotte première. Cette année, le Grand Boucan célèbre ses 20 ans. La fête est prévue ce dimanche à Saint-Gilles-les-Bains. Pas de roi dodo, même pour la fête des pères. C'est une reine qui guidera le défilé et qui sera brûlée. Elle sera accompagnée d'une quinzaine de chars. Yolan Véléien, premier adjoint à la mairie de Saint-Paul. Le Grand Boucan, pour nous, c'est un moment incontournable donc, dans l'année. C'est une manifestation qui a fait son entrée dans le paysage culturel depuis longtemps. Et pour nous, Saint-Paul, bien sûr, c'est une action qu'on soutient et qu'on soutiendra de toute façon sur notre commune, et notamment dans la zone balnéaire. Mais je dis aussi que dans son concept, cette manifestation, c'est un moment où on rassemble les Réunionnais, et où il y a une diversité visible au niveau de la culture. Pour moi, c'est un élément de notre identité réunionnaise aujourd'hui, puisque la physionomie réunionnaise de sa population est représentée ce jour-là sur le plan artistique, mais aussi les personnes qui viennent participer à ce moment important de la vie culturelle de Saint-Paul. Vous attendez combien de personnes ? Au moins 20 000. Yolan Véléien, interrogé par Delphine Poudroux. Pas de voiture en centre-ville dès 13h dimanche. Le défilé démarra à 14h30. L'info revient à 9h. Il est 8h12 sur la première. On file à Paris pour la revue de presse. Bonjour Steven Nipat. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Et on parle encore de la nouvelle coqueluche du foot français, Dimitri Payet, dans la presse nationale. Et oui Cécile, ce matin c'est le quotidien 20 minutes qui évoque l'international réunionnais avec Slaven Bilic, son entraîneur à West Ham. Consultant sur la chaîne ITV, le Croate a totalement craqué sur le but de son poulain face à l'Albanie. Slivik est devenu fou, écrit 20 minutes. L'entraîneur des Hammers a exulté sur le plateau, Payet marque. Bilic saute sur une table, relate encore le journal qui met en ligne d'ailleurs une vidéo du moment. Son meneur de jeu est devenu en l'espace de deux matchs l'une des grandes stars du football européen et estime encore 20 minutes. Et depuis que le nom Payet est entré dans la légende, la presse people française scrute l'entourage de l'international français. Et certains journalistes n'ont pas quitté des yeux Ludivine Payet lors du dernier match contre l'Albanie. Quelques secondes après la dernière belle action du joueur face à leur adversaire albanais, les caméras se sont tournées vers la jolie blonde platine en larmes, relate le magazine Gala. Dans ses bras, Noah, 6 ans, l'aîné de la fratrie. Il a la coiffure de son père et les yeux bleus de sa mère. Lui aussi exulte, car cette fois c'est sûr, son père c'est vraiment le meilleur de tous. La publication rappelle que le soutien ne venait pas que des tribus, mais aussi de sa famille à La Réunion qui pensait fort à lui. S'il continue sur sa lancée, tout ira encore mieux avec un titre de champion d'Europe dans la poche. Merci beaucoup Steven. À lundi. Bonne journée. Merci Cécile Thomas. Une bonne partie de la région ouest sera sous les nuages aujourd'hui, voire même sur l'extrême est du sud, de la côte sauvage à Sainte-Rose, idem pour le volcan. Le cirque de Salazie, les villes de Saint-Benoît, de Saint-André n'échapperont pas à la règle. Grisaille, encore de la grisaille. La moitié nord-est sera aussi impactée. Et dans l'après-midi, nous noterons une petite amélioration pour le nord, de Sainte-Marie à Saint-Denis, et bien ciel bleu pour la côte sud, de l'étang Salé à Saint-Pierre-Voire jusqu'à Saint-Joseph. Grand matin week-end, 6h-9h, les idées sorties, la musique, les conseils bien-être et beauté, et chaque samedi matin. Je voulais savoir si on pouvait consommer les fruits. Je suis à la recherche d'aubépines. J'ai comme des petites coccinelles blanches. Nos experts Henri Meyer, Raphaël Lataste, qui ont toujours de bons conseils pour vous. Grand matin week-end, 6h-9h, Élodie Haillet. Restez avec nous sur Réunion Première. Envie de fraîcheur? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous, 5h40. 6h20, 9h55, 10h28. C'est la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Poussez les portes du conservatoire à rayonnement régional. Elles vous seront ouvertes du 20 au 25 juin à Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre. Vous y découvrirez les nouveautés de la rentrée, la danse africaine et afro-cubaine dès 11 ans et redécouvrirez les danses traditionnelles de la Réunion, maloya, séga, quadrille. Toutes les informations sur ces portes ouvertes et les préinscriptions sur le www.conservatoire.regionreunion.com. Nutracini rayonne au conservatoire. Aujourd'hui, c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier Quintet Plus offerts. Non, sérieux ? Un bon à parier Quintet Plus offert ? Wouhou ! À votre tour d'être aussi heureux qu'Arthur. Pendant les jours 100% gagnant PMU du 10 au 19 juin, votre bon à parier Quintet Plus est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Yves Groyer nous attend sur Sainte-Suzanne. C'est de plus en plus une réalité dans notre société. Nos gramounes sont-elles aussi malheureusement victimes de maltraitance? Pour réagir au débat, merci de composer le 02 62 99 2000. Quelles sont les solutions pour lutter contre la maltraitance faite aux personnes âgées? Quels sont les facteurs aggravants? Est-ce qu'il existe des formations de sensibilisation à la bientraitance? Le sujet est-il tabou dans les familles? Comment se faire aider? Qu'en est-il de l'accompagnement? 02 62 99 2000. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montané. Il est 8h15 sur la Première. Vos trajets en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Bonjour Yves. Bonjour Claude, l'Est qui a viré du bleu au gris, hein, ça s'est couvert, il y a du vent, fraîcheur et une circulation plutôt correcte. C'est ce qu'il faut retenir en ce moment, en venant de l'Est. D'ailleurs le ralentissement qu'il y avait encore un petit peu tout à l'heure, il y a avant le journal, du plateau de la Mare jusqu'à Gillot, et encore un peu dans la ligne droite, eh bien ça s'est résorbé. Hein. Les ralentissements se situent vers l'échangeur du Chaudron pour passer le front de mer de Saint-Denis. Donc circulation sans trop de difficultés. Entrée ouest toujours sous le tunnel du Cap Bernard avec tranchée côté montagne bien chargée en direction du rond-point doré, là où passent pas mal de piétons pour aller au marché aujourd'hui. Et côté ouest, eh bien c'est au niveau de l'échangeur du Belmen pour les ralentissements. Donc une situation plutôt correcte. Très bonne route avec la Première. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Il n'y a pas que les espèces qui peuplent les abysses qui font fantasmer. Les fonds des mers regorgeraient de richesses comme les fameux modules polymétalliques riches en métaux et qui pourraient faire la gloire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie. Caroline Marie. Planète Outre-mer, la chronique environnement présentée par Caroline Marie. Exploiter les richesses des abysses reste pour l'instant un rêve pieux. Les fameux nodules polymétalliques qui font fantasmer bon nombre de territoires restent par exemple encore inaccessibles. Ces amas de fer, manganèse, nickel, cuivre et cobalt sont hors de portée. On les trouve essentiellement dans le Pacifique, massés sur les plaines abyssales, situées entre 4 et 6 000 mètres de profondeur. Toutefois, rien n'indique d'ici peu, on ne puisse pas pas exploiter ses richesses, d'où l'intérêt du programme Extraplaque, qui a pour but d'agrandir la zone économique exclusive, la ZEE. Sylvain Mermel, géomaticien à l'IFREMER. La France a la deuxième plus grande ZEE au monde, 10 millions de kilomètres carrés. On se situe après les États-Unis et avant l'Australie, donc une surface maritime colossale. Et là, potentiellement, dans le projet Extraplaque, ces ZEE seraient étendues au plateau continental jusqu'à 350 000. Ça représente une surface de ZEE plus plateau continental de 2% en plus sur la surface du globe. Pour l'instant, on n'a pas la technologie pour aller à ces profondeurs-là. Donc on peut avoir une première optique qui est dire « attendons d'avoir la technologie et potentiellement ces zones nous enrichiront ». La deuxième optique peut être de dire « ces zones, potentiellement, si on en a la gestion, on pourra les préserver ». Les ZEE sont en quelque sorte des investissements sur l'avenir. Même si pour l'instant, on ne sait pas exploiter les ressources situées dans les grands fonds, tout le monde espère que demain, ces espaces seront accessibles. François Taglioni, chercheur à l'IRD de La Réunion. Je crois que la France a eu raison de se lancer, bien qu'elle l'ait fait avec retard, de se lancer dans ce programme d'extension de la zone économique exclusive, donc avec ce programme Extraplaque. Et je crois qu'il ne faut pas... Il ne faut pas considérer cette extension comme une sorte de luxe que l'on en ferait un peu contre son gré, parce qu'il est possible que dans quelques décennies, vu le contexte d'évolution des sources d'énergie, eh bien, ça soit très intéressant d'avoir des richesses, même très difficiles à exploiter. Exploiter les profondeurs n'est pas encore rentable. Pour le moment, le pétrole ou le charbon restent encore bon marché, même si ces énergies sont de plus en plus chères et surtout de moins en moins tolérées, car polluantes. C'était Planète Outre-mer avec le soutien de l'Agence française pour la biodiversité et le ministère de l'écologie. Merci Caroline Marie. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montané. 8h20 sur la Première, allons briser un tabou, briser un silence. Nos Gramoun sont maltraités dans notre société, on en parle dans un instant avec les invités de la Première. Les questions, les réactions, les témoignages au standard 02 62 99 2000. Attends de l'être frérot, allons pêcher. Mets ton bédel sur ton dos, oublie pas bouteille de l'eau. Nous n'a la journée frérot, emmène à faire pour manger. Toi si souffle là-haut, risquable aujourd'hui ça fait chaud. Rappe ton golette frérot, allons pêcher. Mets ton bédel sur ton dos, oublie pas bouteille de l'eau. Nous n'a la journée frérot, emmène à faire pour manger. Noix si souffle là-haut, risquable aujourd'hui ça fait chaud. Content comme il gazouille, laisse à oublier assez doucement et cool. La brise y chatouille d'un coup, l'air marin y mouille n'a point mauvais goût. L'air marin y mouille n'a point mauvais goût. Pointant comme il gazouille, laisse à oublier assez doucement et cool. Laisse à oublier assez doucement et cool. La brise y chatouille d'un coup, l'air marin y mouille n'a point mauvais goût. Médiao. En sirop, son reflet fait à moitié d'eau. Tigalé n'a plein de ticabo. Toi tu droges en sœur disco. Mets ton chapeau frérot, t'as qu'un coup de bambou. Soleil qu'on y a marteau, ça y donne mal d'un coco. La mer l'est en sirop, son reflet fait à moitié d'eau. Tigalé n'a plein de ticabo. Toi tu droges en sœur disco. Mets ton chapeau frérot, t'as qu'un coup de bambou. Soleil qu'on y a marteau, ça y donne mal d'un coco. Ils trouvent que les gaillards assis côté ou même si nous cossent pas. Assis côté ou même si nous cossent pas. M'y souviens la dernière fois, moi t'appelle à ou encore dada. Moi t'appelle à ou encore dada. Ils trouvent que les gaillards assis côté ou même si nous cossent pas. Assis côté ou même si nous cossent pas. Tu te souviens la dernière fois, moi t'appelle à ou encore dada. Encore dada. Mais trouve que les gaillards assises côté woman si nous cause pas. Le meilleur de la musique locale sur la première avec Mazok et Frérot. 8h, 10h. Allô première, Claude Montané. À la question posée hier sur le réseau social Facebook pour le sujet d'aujourd'hui, le Gramoun souffre en silence, il est maltraité. La réaction de Napoléon est claire, il nous écrit ceci. Ah non, ce n'est pas vrai, si je prends le cas de mes parents, nous les aimons, ils sont entourés de leurs enfants, il faut arrêter de dire que nos petits vieux, que nos Gramoun sont seuls. Les invités de Réunion Première, Pascal Savoie de l'association Alma 974 et Emmanuel Mussard de l'association France Parkinson Réunion. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, une réaction au message de notre internaute, Pascal Savoie. Ben, cet internaute, je le félicite et je lui dis, continuez à vous occuper de vos Gramoun, mais malheureusement, il y a des familles comme lui qui s'occupent très bien de leur Gramoun, mais il y en a d'autres, ce n'est pas le cas. Heureusement. Oui. Mais il y en a d'autres, ce n'est pas le cas. Alors, l'année dernière, en 2015, Alma a recensé 83 cas, c'est ça ? 88 cas de personnes âgées, donc maltraitées. Mais beaucoup nous disent aussi sur les réseaux sociaux, mais il y en a beaucoup plus. Oui, c'est beaucoup plus que 88. Ben oui, il y en a beaucoup plus, mais nous ne connaissons que la partie émergée de l'iceberg. Parce que c'est un sujet encore très tabou, et les gens n'osent pas appeler l'écoute pour signaler une situation de maltraitance devant laquelle ils sont témoins. Donc, le but de nous faire connaître, c'est de dire aux personnes qu'ils peuvent nous appeler de façon anonyme, oui. Que l'anonymat est respecté, mais tout citoyen que nous sommes, nous avons un devoir quand nous sommes témoins d'une maltraitance faite à une personne âgée ou à une personne handicapée, puisqu'Alma s'occupe des personnes aussi, des adultes handicapés depuis le 2005, eh bien, ils ont un devoir d'essayer d'aider cette personne à sortir de sa maltraitance. Alors, ils ne vont pas s'en occuper eux directement, parce que c'est délicat, mais ils peuvent appeler Alma, qui va les renseigner, qui va les orienter. De façon à faire cesser la souffrance de la personne pour laquelle ils appellent. Emmanuel Mussard, on a du mal à le croire, hein. On se dit que ce n'est pas possible de maltraiter nos petits vieux, c'est juste impossible. Oui, c'est juste impossible, mais je rebondis sur ce que Pascal disait, c'est une réalité qu'on ne doit pas laisser... Mais par contre, il faut savoir que... il y a plein d'associations sur le terrain qui œuvrent au quotidien pour justement éviter d'arriver à là. Au niveau de France Parkinson, nous militons fortement sur la maltraitance médicamenteuse qui est minimisée par rapport à la maltraitance physique et psychologique suite justement, par exemple, à des ruptures de soins involontaires de la part du malade. Ça, c'est important de le dire. La maltraitance médicamenteuse fait partie de la maltraitance que Alma peut traiter dans le cadre d'un appel téléphonique, par exemple. Maltraitance financière, psychologique aussi, oui, on reviendra physique. Sur ces facteurs aggravants. Nous avons Thierry de Saint-Denis pour une réaction. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour. Oui, voilà, je voulais avoir quelques renseignements. Bon, j'ai mon grand-père qui a fait un AVC l'année dernière, et je suis en phase, je dirais, du dossier avec mise sous tutelle. Oui, oui. Et il se trouve que mon grand-père s'était remarié et il a donné procuration à une personne. Et pendant son hospitalisation, c'est-à-dire il a eu son AVC, je dirais aggravante, avec une rupture totale de la voix et aussi pour tout ce qui est nourriture et tout. Oui, oui. Et pendant son hospitalisation depuis le mois de novembre, cette personne continue de retirer de l'argent sur son compte. Bon, moi, j'avais pas compris au départ. Oui. Mais il se trouve que après, avec les relevés qui sont arrivés à la maison, j'ai bien compris ce qui s'est dépassé. D'accord, donc alors c'est votre grand-père, c'est ça, hein ? C'est mon grand-père, tout voilà. à fait. Et donc, selon vous, vous êtes en train de nous dire que on est sur plutôt une situation de maltraitance financière. Tout à fait. Ah ouais. Parce que le problème, c'est que j'ai pu avoir des relations avec la conseillère à la banque. Ouais, ouais. Et c'est quelque chose qui dure depuis pas mal de temps. Mais il a pas osé dire à la famille, aux proches. Et il se trouve que bon, bah, il a fait un AVC. Voilà. Mais lors de ma convocation avec la juge des tutelles, oui. Ben, ça s'est retourné contre moi directement. Dans le sens que la personne a été auditionnée et elle a dit bon ben elle avait retiré de l'argent pour protéger mon grand-père. Bon maintenant c'est-à-dire l'argent est sur un compte en banque. D'accord, elle a retiré oui. pour le protéger. Maintenant bon j'ai demandé comment faire quand de l'argent est sur un compte et puis on en retire, on protège quoi? Il n'y a pas une protection là. Et je me suis fait, réprimander avec des menaces de poursuite judiciaire par la juge du tutelle. Ouais. Alors, vers qui se tourner? Moi, ce que je voudrais, bon, j'ai une dame de chez Alma. Bon, maintenant, moi, j'aimerais bien. Est-ce qu'il y aurait, je pourrais m'appuyer ou me faire aider par une personne? Parce que, ben, le problème, c'est que, ben, il a travaillé toute sa vie. Il a sa retraite. Et là, le problème, c'est que, ben, on impunément, on peut retirer de l'argent, on peut faire ce qu'on veut. Et surtout, c'était une extension. Hein. Il avait déjà fait intervenir un responsable qui s'occupait des autres. Thierry, restez avec nous. On va répondre à votre question. Alors, comment faire? Vers qui se tourner, comment se faire aider? Pascal Savoie de l'association Alma 974 et Emmanuel Mussard de l'association France Parkinson Réunion sont avec nous jusqu'à 9h. Vous continuez les réactions par SMS au 06 92 608 335. Quelles sont les solutions pour lutter contre la maltraitance faite aux personnes âgées? Quels sont les facteurs aggravants? Et est-ce qu'il existe des formations de sensibilisation à la bientraitance? On en parle sur la première. Restez là Thierry s'il vous plaît, on revient juste après l'information routière. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Yves, vous êtes au bocage. Attention, en descendant la 4 voies du tampon, une planche au milieu de la chaussée, sans descendant, hauteur Mont-Caprice. En descendant le tampon vers Saint-Pierre, restez très vigilants en attendant que cet objet encombrant, voire peut-être dangereux, soit dégagé par une patrouille. Alors, c'est pas forcément dans l'immédiat, donc le temps que la patrouille arrive. Vigilance, circulation correcte sur la partie sud. Je rappelle que depuis hier, vous circulez sur une nouvelle chaussée, une chaussée un petit peu décalée par rapport à la route normale de la RN 2001 entre le rond-point du Gol en direction de la zone industrielle de Bel Air. Donc le radier du Gol est en travaux pour réaliser un ouvrage hydraulique, c'est-à-dire des grosses buses un peu plus capacitives, ce qui fait que vous êtes décalé sur la gauche, sur une chaussée qui a été faite avec un enduit, donc qui dit enduit c'est du gravier, et gravillon qui remonte, donc notamment dès qu'on circule dessus, ça fait remonter ces gravillons. Il faut faire attention, le nettoyage, le balayage ou l'aspiratrice n'interviendra sans doute qu'après le week-end, donc restez très prudent, surtout en deux roues. Circulation correcte, donc je rappelle, sur route Tamarin, c'est au niveau du bas de l'échangeur de Belmen pour les ralentissements au début de la route digue, avec des zones roulantes sur celle-ci en direction de Savannah. Entrée ouest toujours ralentie sous le tunnel du Cap Bernard, il y a un peu de monde sous les tranchées, mais moitié tube, hein, donc côté montagne, côté mer. Entrée est, c'est terminé hein, pour les ralentissements. Fin de 4 voies, à Saint-Benoît, il y a un peu de monde, et puis ici, bocage, pas de problème de circulation en ce moment, en ce vendredi matin. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Le sujet de la maltraitance est-il tabou dans les familles? Comment se faire aider? Puis qu'en est-il de l'accompagnement? 02 62 99 2000. 8h, 10h. Allô première, Claude Montanet. Emmanuel Mussard, vous parliez tout à l'heure de maltraitance financière et le cas de Thierry en est vraiment l'exemple parfait là. Oui, malheureusement oui. Sur le terrain, on rencontre beaucoup de cas identiques à Thierry. C'est vrai que je pense que Alma, c'est vraiment la porte d'entrée pour déjà mettre tout à plat et l'orienter après. Oui. Mais ce monsieur dit qu'il a déjà pris contact avec Alma, donc moi je ne suis pas au courant de sa situation, parce que moi je suis la présidente et je ne suis pas tout le temps aux écoutes, je ne fais que les remplacements, mais si j'ai bien compris, la personne qui tire de l'argent sur le compte de son grand-père, elle a une procuration. Ah, normalement, et cette procuration, on peut la faire sauter. D'accord. Et est-ce que Thierry, c'est Thierry qui a fait la demande de tutelle? Thierry, En fait, je me suis fait aider aussi par l'assistante sociale. De D'accord. Oui, très bien, oui. Et du coup, même au niveau de l'assistante sociale, moi, ce qui me dérange énormément, c'est que le fonctionnement du juge des tutelles, c'est-à-dire elle a pas pris contact avec ni l'assistante sociale, ni moi, c'est-à-dire qu'on est on a une convocation d'audition, c'est-à-dire une audition, on est écouté, j'ai pas été écouté. Non, oui. Ouais. La personne qui est en face, parce que moi j'ai demandé à ce que mon grand-père reste chez moi. J'ai arrêté mon activité professionnelle pendant quelques temps pour pouvoir s'occuper de lui. Et du coup, le problème, c'est quoi? C'est que cette personne a demandé qu'il soit mis dans une institution. Le problème, c'est que ce monsieur-là, il a travaillé. Son argent, ça va maintenant. Le problème, c'est que moi, je me suis fait remonter le bretelle par la juge des tutelles, vu qu'elle m'a pas écouté, elle m'a pas demandé exactement ma position. Elle a pris l'initiative de dire il sera mis sous tutelle. Parce que moi, ça me dérange pas qu'il est sous tutelle. Au contraire, je préfère. Mais sous ma responsabilité, chez moi, à la maison. Alors Thierry, c'est gratuit. Non, et Thierry, vous souhaitez quoi aujourd'hui exactement? Moi, ce que je souhaite, c'est que on me donne, je peux me faire, comment vous dire ça, accompagner. Parce que le problème, c'est quoi? Je vais vous dire tout crûment. Il faut pas se cacher. Quand vous faites pas partie d'un réseau, vous êtes grillé. Et moi, je me suis fait griller parce que je suis pas le réseau de qui que ce soit. Et voilà. Attendez, oui, parce qu'elle s'avoue. Oui. Thierry, ce que je vous propose, je serai à l'association mardi matin, pour la permanence de mardi matin. Je propose que vous m'appeliez. Donc, quand vous appelez, vous dites que vous voulez parler à Pascal Savoie. C'est moi-même. Oui. Et à ce moment-là, je verrai avec vous en plus en détail la situation, parce que là, à la radio, ça ne va pas être possible. Donc, je verrai avec vous et je vous accompagnerai. Je vous accompagnerai. Ça mérite d'aller beaucoup plus loin. Merci beaucoup, Thierry. Merci. Je vous remercie. Et je peux avoir les coordonnées. Ah, j'ai les coordonnées. Donc, vous avez les coordonnées de l'association Alma. Merci à vous. Je remercie. Bon week-end à vous tous. À très bientôt sur la première. 8h. 10h. Allô Première, Claude Montanet. Emmanuel Mussard de France, Parkinson Réunion, Pascal Savoie de l'association Alma 974. Alors à partir de quel moment on parle de maltraitance, Pascal Savoie? Dès le premier acte de maltraitance. En général, ça commence par des coups. Une gifle qu'on donne à quelqu'un pour la première fois, il faut qu'il y ait une personne pour vous aider, parce que cette gifle, elle va être suivie d'autres actes de maltraitance. Alors c'est difficile d'en parler, Emmanuel Mussard, parce que là, on parle notamment des Gramoun, mais ces Gramoun n'ont pas envie de dénoncer leurs propres enfants. Leurs propres enfants ou leurs conjoints ou conjointes. Leurs conjoints aussi. Ouais. Voilà. Prenons le cas d'un malade parkinsonien, quand il est diagnostiqué, ça tombe. Toute la famille est concernée par la maladie. Tout le monde est bouleversé. L'aidant, lui, se retrouve un peu perdu. Il se retrouve avec un malade, il ne sait pas gérer, il ne sait pas faire. Je pense qu'il y a la peur. Il y a énormément d'abandon à ce moment-là. Et c'est là que nous, associations, on doit être présents pour les accompagner. L'importance de l'information, de la formation sur la maladie, sur la pathologie, que ce soit Parkinson, Alzheimer ou autre, c'est aider l'aidant dans son accompagnement pour le malade au quotidien. Et ça, j'insiste, parce que un mauvais accompagnement, ça amène automatiquement une maltraitance. Alors, ces malades touchés par la maladie de Parkinson, vous parlez un peu aussi de ces cas de maltraitance? Alors, on ne parle pas du terme maltraitance. On vous dit quoi? On vous raconte quoi? Voilà, on me dit, je suis bloquée au lit. Ma femme me dit, mais lève-toi, t'es paresseux, je peux pas tout faire pour toi, je suis pas à ta place. Mais le malade, s'il est bloqué, c'est la maladie qui fait qu'il est bloqué. Il fait pas, c'est pas parce qu'il a pas envie de se lever un matin. C'est qu'il a une problématique et il peut pas se lever. À ce moment-là, c'est décrit. Bon, Pascal parlait de la gifle, mais il y a la maltraitance psychologique qui atteint aussi les malades. Faut pas jeter la pierre aux aidants, puisque comme je le disais, c'est parce qu'ils n'ont pas la méconnaissance de la maladie. Tout à fait. Voilà. Et ça, c'est important. Et il demande aussi à être accompagné. Oui, hein, parce que souvent, l'aidant, que ce soit le conjoint ou un enfant qui est le principal aidant, souvent il est tout seul face à son malade. Donc, et il est complètement pris par ce malade, il n'a plus de vie pour lui, et c'est là qu'arrive au bout d'un certain temps ce qu'on appelle le burn-out, et c'est quand il y a burn-out, ben, on peut penser qu'après il y aura maltraitance. Ouais. Alors à l'association Alma, vous tombez sur des cas très compliqués, très difficiles? Oui, des fois, des cas très. On est quand on reçoit certains signalements téléphoniques, on est vraiment bouleversé hein, par ce qu'on entend. Ça peut aller jusqu'où ? Ben, ça peut aller. Là, il y a un exemple qui me vient là qu'on rencontre relativement souvent, hein, de plus en plus souvent. Ben, vous avez par exemple des parents qui font donation de leur bien, de leur vivant, pour éviter aux enfants qu'ils aient par la suite, après leur mort, trop de choses à payer. Et celui qui hérite de la maison familiale dans laquelle se trouve la personne qui donne le bien, elle en garde l'usufruit. Donc, celui qui a hérité de la maison propose aux parents qui en a fait don devant notaire, propose de venir à la maison pour, et puis ça permettra à la personne de ne plus être toute seule et de s'occuper d'elle dans les actes qu'elle ne peut plus réaliser. Donc, je vous vois venir là. Oui. Alors, la personne âgée, ben, évidemment, elle ne peut être qu'intéressée par la proposition qui est faite par son enfant. Donc, la chose se fait. Et au bout d'un moment, eh ben, cette personne âgée, elle se retrouve en dehors de son logement. Parce que celui qui est venu sous de bonnes idées, eh bien, il veut la maison pour lui tout seul et il s'arrange en faisant toutes sortes de maltraitances, des maltraitances en cascade souvent, c'est-à-dire qu'on va faire de la pression psychologique, si ça ne suffit pas, on va faire de la pression, on va donner des coups à la personne, et ce qui fait que la personne est obligée de quitter chez elle pour aller chez un autre enfant, alors qu'elle est usufruitière de son bien. Ça va jusque-là. Oui. Ça va jusque-là. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que la maltraitance n'est pas réservée à une classe sociale. Tout le monde peut maltraiter. Toutes les classes. Toutes les couches sociales aussi. Voilà. Ouais. Et on a des gens très bien placés qui maltraitent leurs parents. C'est terrible. Il faut dénoncer. Alors le mot dénoncer, j'aime pas. Je vous pose la question parce qu'on nous signaler. Oui, mais on nous dit sur les réseaux sociaux et on nous dit par SMS. Alors mais comment vous croire toute cette histoire? Les gens ont du mal à. Voilà. Alors, imaginez que c'est possible ça. Il faut signaler, comme je dis, n'importe quel citoyen que nous sommes, on a un devoir de signaler quand on est témoin de choses comme ça. Bon, mais après, on ne croit pas forcément sur parole la personne qui va appeler. On va faire une enquête sur le terrain et quelquefois, la maltraitance n'est pas avérée. Donc c'est pour ça qu'on demande au réseau. Il faut être très prudent. Il faut être très prudent. Donc il y a une enquête qui est faite. Donc à partir des éléments qu'ont recueillis les écoutants, le référent a ces éléments et va lui faire en sorte de contacter la personne la plus adéquate pour vérifier que c'est vrai ou pas. Dans la mesure où c'est pas vrai et qu'on nous dit qu'il n'y a pas de maltraitance, on va classer le dossier. Mais si on nous dit oui, il y a quelque chose, il y a une prise en charge qui va se faire, prise en charge sociale qui va se faire pour aider la personne maltraitée, mais pour aider aussi l'aidant, parce que l'aidant, il n'est pas forcément maltraitant parce qu'il le veut. Quand je parle de burn-out, c'est que la personne, pendant des années, supporte des choses et puis qu'après, elle est tellement fatiguée qu'elle va passer dans la maltraitance. Vous savez, je suis bénévole à Réunion Alzheimer. Savez-vous que 30% des aidants familiaux meurent avant leur malade? C'est pas rien. Donc ces aidants-là, ils faut les soutenir. Alors ils ne connaissent pas forcément tous les dispositifs qui existent et il faut le leur faire connaître pour qu'ils puissent les demander. L'accompagnement aussi pour les aidants. Tout à fait. L'accompagnement des aidants. Accompagner ceux qui sont maltraités, mais accompagner aussi ceux qui maltraitent. Il faut qu'on soit en préventif absolument. Voilà. Dans le préventif. Éviter les maltraitances. Parce que faire du curatif c'est bien, mais si on peut faire du préventif pour ne pas en arriver là, c'est mieux. Oui. Alors, est-ce qu'il existe des formations de sensibilisation à la bientraitance? Oui, nous en dispensons, à l'association, gracieusement d'ailleurs, à tous les gens qui nous demandent. Et on intervient, on est très sollicités. Donc, on fait des interventions auprès des associations qui font de l'aide à domicile. On fait dans les établissements qui forment les futurs aidants à domicile, dans les lycées professionnels, à l'AFPAR. On fait aussi dans les EHPAD. On fait des actions de sensibilisation dans les EHPAD. Et vous participez aux manifestations des journées mondiales, etc., d'associations de malades. Pour parler de notre association, pour dire ce qu'elle fait, pour leur dire surtout qu'on peut nous appeler de façon anonyme, c'est important. Alors c'est vrai que c'est facile d'en parler, mais Emmanuel Mussin, comment briser vraiment le silence, briser le tabou? Parce que c'est un sujet tabou dans les familles. Oui, c'est un sujet tabou, on en parle question difficile, c'est une question très difficile, puisque... Au niveau du comité, on a effectivement des cellules d'écoute, hein, comme ALMA. Donc c'est sur toutes les thématiques, pas forcément sur la maltraitance, oui, heureusement. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai plus tendance à accompagner l'aidant, puisqu'on sait qu'il est... il perd ses moyens. S'il arrive à ce stade, c'est qu'il fait le burn-out. Voilà, il a fait un burn-out et il faut l'accompagner. Donc, on ne dénonce pas ou on signale pas à ALMA la situation. On va l'accompagner, on fait des visites de terrain, on essaie de désamorcer un peu en amont pour éviter justement d'arriver dans les dossiers, des enquêtes, etc. Parce que ça aussi, c'est compliqué pour les aidants, pour la famille. Ils le vivent très mal. Pascal, t'es d'accord, hein. Il vit très mal cette situation d'enquête, etc., suite à un appel. Donc, on essaie d'accompagner au mieux par de l'information, et surtout de donner des moments de répit à ces aidants. Parce que c'est bien là le problème. Ils ont besoin de répit. Le silence, comment le briser pour vous avec l'association ALMA, Pascal Savoie? Alors, le briser, c'est en parler. Ouais. C'est vrai qu'on a l'impression d'en parler beaucoup, mais c'est important, parce que c'est en parlant qu'on va arriver à faire à ce que les gens soient plus nous appellent. On s'aperçoit qu'après une manifestation qu'on fait, on a des signalements qui arrivent. Hier, il y a eu une écoute chez nous. Ils ont reçu 28 appels. Et c'était après le 15 juin, journée mondiale de lutte contre la maltraitance, avec les articles de journaux, ce qu'ils ont entendu à la radio, ce qu'ils ont entendu à la télé. Donc il faut communiquer, il faut sensibiliser, il faut en parler. Voilà. C'est ça. Et j'insiste beaucoup sur le fait que on peut nous appeler de façon anonyme et qu'une grosse partie des signalements qui nous sont faits sous l'anonymat. Parce qu'on a peur d'être reconnu. Voilà. Le débat revient après 9h moins le quart sur la première. C'est de plus en plus une réalité dans notre société. Les Gramounes sont aussi malheureusement victimes de maltraitance. 02 62 99 2000 pour les réactions sur la page Facebook de l'émission Allo Première. Et puis par SMS au 06 92 608 335. Vos trajets en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Yves, vous êtes sur Sainte-Marie. Oui, du côté de Duparc, avec une circulation fluide, donc à l'entrée est, ici un soleil franc, il y avait deux arcs-en-ciel, je veux dire qu'il y a un petit peu de brouille, ici dans ce ciel est, et c'est assez couvert en regardant de l'autre côté, vers Saint-André et Saint-Benoît, mais on n'a pas l'air d'avoir trop de pluie pour le moment. La circulation avec un ralentissement toujours sur le tunnel du Cap-Bernard, encore un petit peu de monde sur la route digue, mais c'est en train de se libérer, sous les tranchées côté montagne-mer, à peu près moitié tube également, donc ça se passe pas mal ce matin. Des manifestations sportives durant le week-end, il y a le trail de Bassin-Bœuf, 7h-14h, départ du Bocage, là où je me trouvais tout à l'heure, donc avant de remonter sur les hauteurs, donc vers Bagatelle, route de Bagatelle, donc concerné dans Gardé 51, donc attention avec ces sportifs dimanche matin et dimanche après-midi, là c'est le championnat régional de course cycliste qui se déroulera du côté de Saint-Pierre. Alors la RN2 sera concernée vers Terre Rouge avant de passer dans les hauteurs de Saint-Pierre. Enfin, donc attention aux cyclistes dimanche après-midi. Voilà. Et puis le Grand Boucan, c'est l'événement également de ce week-end, avec la rue Général de Gaulle fermée, des parkings de part et d'autre de l'agglomération. Et c'est ce nouveau parking que vous pourrez utiliser sous contrôle des personnes qui s'occupent du peu de ce Grand Boucan, du côté des voies fermées de l'ex 4 voies de Saint-Gilles. Je rappelle que sur la partie basse, un rond-point a été ouvert. C'était hier matin, à sortie de la rue Général de Gaulle, permettant de rejoindre l'œil de bœuf, mais surtout en provenance de la Saline des Bains, rejoindre le port de Saint-Gilles sans avoir à passer par carrosse. C'est nouveau, c'est tout beau. Très bonne route. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. La lutte contre la maltraitance des personnes âgées, on en parle sur la première. 02 62 99 2000. C'est avec nos invités Pascal Savoie de l'association ALMA 974 et Emmanuel Mussard de l'association France Parkinson Réunion. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montané. Christian qui nous dit que c'est difficile chaque jour. J'ai travaillé pendant 10 ans en maison de retraite avec les résidents Alzheimer. Plusieurs facteurs rentrent en considération, donc que ce soit à domicile ou en structure. Mais les gens avouent que c'est un sujet qui n'est pas facile à traiter. Pascal Savoie. C'est prendre en soin, parce que j'aime pas le mot charge, prendre en soin une personne Alzheimer, par exemple, c'est pas facile. On n'a jamais dit que c'était facile. C'est pas facile du tout, surtout que au fur et à mesure que la maladie avance, avance, ça devient, la prise en soin devient de plus en plus difficile. C'est pour ça qu'il faut faire appel à tout ce qui existe autour pour aider. L'aidant, alors il y a les infirmiers, les kinés, les orthophonistes, je parle pour la maladie d'Alzheimer, mais ça doit être pareil pour d'autres maladies. Donc, pour Parkinson, par exemple, oui, Emmanuel Mussard. Oui, tout à fait, ça doit être à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose, on est dans les maladies neurodégénératives, donc on a les mêmes problématiques. Effectivement, il parle de maisons de retraite, c'est ça, il disait qu'il travaillait. Faut savoir qu'il y a quelques années, il a été mis en place une formation pour les soignants sur l'humanitude. Donc je pense que ça a été un plus. Il faut le dire, ça a été un plus pour accompagner les soignants, justement, pour lutter contre la maltraitance dans les maisons de retraite. Donc, il y a des choses qu'ils ont faites, heureusement. Mais la plainte, quand même, de la part des employés de maisons de retraite, puisque je fais de la sensibilisation à la demande des directeurs de maisons de retraite, quand on rencontre les personnes qui viennent donc participer à notre sensibilisation, ils sont tout à fait d'accord sur ce qu'on leur dit, mais ils nous disent on voudrait bien faire tout ça, mais on n'est pas assez nombreux, on n'a pas le temps de faire tout ça. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une méconnaissance de leurs droits ? Parce qu'elle se voit les gens. Je pense que c'est effectivement c'est le temps. Ils n'ont pas le temps. Mais on sent bien dans leur questionnement et dans leurs remarques que ce sont des choses qui leur parlent et qu'ils aimeraient faire, mais qu'ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Voilà. Vous allez me dire, c'est pas une excuse. Ils sont employés, pour s'occuper des personnes, mais quand même, dans la réalité, ils ont quand même des tâches à faire importantes qui font que ils ne peuvent pas toujours faire de la qualité dans d'autres domaines que les toilettes, faire manger les gens, etc. Oui, c'est pas toujours facile. Faut bien le dire. Alors, dès qu'on vous appelle à l'association Alma 974, la prise en charge se met automatiquement en place. C'est-à-dire, ça dépend de. Vous allez d'abord écouter la personne. Oui. Ouais. Bon, des fois, elle nous appelle, c'est pas du tout une maltraitance. Donc, on ne va pas dire, madame, vous nous appelez, c'est pas une maltraitance. On va leur dire, écoutez, là, on ressent à travers ce que vous nous dites que vous rencontrez des difficultés sans que la personne soit maltraitée. Mais donc, on va les orienter en fonction de leur demande. Oui. On va les orienter. Si c'est pas pour nous, si c'est pas de la maltraitance, on va les orienter. On va pas leur dire non, on peut pas répondre parce que c'est pas de la maltraitance. On va les orienter. On a suffisamment de connaissances sur le réseau pour pouvoir les orienter. Maintenant, quand c'est une vraie maltraitance, elle va être prise en charge tout de suite. C'est-à-dire que comme on fait la permanence avec trois personnes, deux écoutants qui sont dans un bureau fermé et qui écoutent et font parler, et à côté il y a le référent qui traite. Donc dès que la personne a fini d'être écoutée, le dossier passe au référent et le référent va faire ce qu'il faut faire à travers les éléments du dossier qu'il a. Il va voir qui il va solliciter pour vérifier déjà, comme je l'ai dit, s'il y a maltraitance ou pas. Alors est-ce que ces personnes âgées, ces gramounes ne font pas marche arrière après un moment donné, parce qu'on se met à réfléchir, parce que là on parle de nos enfants, est-ce qu'il faut aller jusqu'à porter plainte? C'est pas eux qui appellent. C'est pas les personnes maltraitées qui appellent, en général. Non, mais pour la personne maltraitée. Pour la personne maltraitée. Est-ce qu'elle serait prête à aller jusqu'au bout? C'est difficile. Quand les assistantes sociales du département vont voir ces personnes à partir d'un signalement de l'association Alma, les personnes âgées vont, dans un premier temps, dire que c'est pas la réalité. Donc, il y a des, je dirais pas les techniques qui sont employées parce que les gens se méfieraient, mais c'est vrai que quand on arrive à parler avec la personne seule, elle nous confie des choses qu'elle ne confierait pas devant la personne qui est censée la maltraiter. Il y a aussi elle dit, surtout dis pas. Oui. Je te dis, mais ne dis pas. Surtout dis pas, surtout n'en parle pas. Voilà. C'est ça. Voilà. Hein. Ouais. Emmanuel Mussard. Oui, alors, ou sinon vous avez la personne âgée qui appelle. Et s'ils pas quelqu'un au bout du fil tout de suite, effectivement, ils font marche arrière après. Oui. Ça, on a souvent le cas. Alma a des permanences, mais elle tourne avec très peu de bénévoles. C'est la problématique des associations. Donc, deux créneaux de permanence. Si la personne âgée appelle hors créneau permanence, elle n'appelle plus. Ouais. On a quand même eu, en 2015, 403 appels qu'on n'a pas pu prendre parce que c'était hors permanence. On a un répondeur qui demande à la personne de laisser son nom et son numéro de téléphone, mais les personnes ne laissent pas. Alors c'est un manque de moyens, alors. Ben oui, c'est ça. On n'est que 6. Pour l'avoir tenté hier, j'ai appelé l'association Alma 974, hier dans la matinée. Donc j'ai composé le numéro de téléphone que vous allez donner tout à l'heure, Pascal Savoie. Et c'est vrai que ça a sonné, je suis tombé sur un répondeur. Oui, parce qu'elles étaient en communication déjà avec d'accord, quelqu'un. D'accord, c'est ça. Mais comme parce... dit Emmanuel Mussard, c'est lorsque l'on compose le numéro de téléphone, on veut tout de suite. Oui, tout de suite. Fait, on veut quelqu'un au bout du fil. Parce qu'on a fait... c'est difficile d'appeler Alma. Oui. Et quand on a pris la décision de l'appeler... On le fait tout de suite, on attend d'avoir quelqu'un au téléphone, et là on va. Non. Mais si il n'y a personne, eh ben, comme dit Emmanuel, la personne ne rappellera pas. Parce qu'elle était prête au moment où elle a appelé Alma, elle n'est plus prête après. Alors comment faire, Emmanuel Mussard? Il y a plus de moyens, plus de bénévoles oui. derrière le téléphone, oui. c'est ça? Oui. Bien, oui. Il faut qu'on ait beaucoup plus de bénévoles pour pouvoir étendre l'écoute sur la semaine. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse faire une demi-journée chaque jour. Mais on est loin de cela, Alma, puisqu'on ne peut faire, étant donné qu'on est 6 et qu'il faut 3 personnes par permanence, 2 écoutants, 1 référent, vous voyez, c'est toujours les mêmes qui y sont. Donc on ne peut pas ouvrir plus de plages avec 6 personnes, ce n'est pas possible. Au niveau de France Parkinson Réunion, alors comment ça fonctionne? Alors, au niveau dès que vous êtes au courant d'un cas de maltraitance. Alors donc on est en lien effectivement avec Pascal. Hein. Oui. Si c'est un ami de la famille qui nous signale la maltraitance, on communique les coordonnées de Alma. Si c'est le malade lui-même qui prend contact avec moi et qui me donne l'autorisation de mettre en lien directement, je prends contact directement avec Pascal pour prendre le dossier. Alors bien souvent, en discutant avec lui, on se rend compte que c'est pas, on peut pas, dire que c'est de la maltraitance. C'est de la méconnaissance. De c'est la pas, méconnaissance. Voilà, méconnaissance ou. Des besoins de la personne. Des tout besoins simplement. De la personne, voilà. Donc, on essaie de faire tout ça avant d'envoyer chez Alma, parce qu'ils sont assez à faire, je pense. Donc, voilà. Mais s'il y a un cas, effectivement, on est en lien avec Alma et ils prennent le relais sur le dossier. Alors, est-ce qu'on peut en parler avec le médecin traitant? Ben, ça m'arrive si, de, en si. Tant que quand non, je non, suis... Non, mais la personne, le Gramoun, la personne oui, âgée, oui, est-ce, oui, qu'elle, oui. Elle, mais, voilà, est-ce qu'elle en parle aussi à son médecin? Mais je dois dire, je ne sais pas s'il faut que je le dise, mais je vais le dire quand même. Hein, allez-y. Pas... Les médecins nous appellent très peu. Nous avons très peu d'appels de médecins signalant des maltraitances. Très peu d'appels des infirmiers. Pourtant, ce sont des professionnels de santé qui sont quand même... qui vont à domicile... qui voit des choses, je suis sûre qu'il voit des choses. Mais comment vous l'expliquez alors, Pascal Savoie? Écoutez, moi je vais répondre par une mais réflexion c'est vrai qu'ils sont, que faisait le père sont... des antennes Alma, oui, le ouais. silence des soignants. Lui il disait ça, le silence des soignants. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que, bon, ben, voilà, mais c'est vrai qu'on reçoit très peu de signalements des professionnels de santé qui sont au domicile régulièrement. Emmanuel Mussard, vous étiez au courant aussi? C'est, on a silence des soignants. On a la même problématique. Ça commence à décanter un peu. Faut pas non plus fermer la porte. On a des appels. On n'a pas forcément des médecins, mais en tout cas des médecins qui orientent le malade. C'est déjà pas mal. Qui orientent le malade vers l'association ou vers Alma, en fonction du motif. Ça commence. C'est pas gagné, mais ça commence. Moi, je prévois pour la fin de l'année une rencontre avec. Je vais inviter. Les médecins, les infirmiers surtout, à une soirée à partir de 8h du soir, parce que je sais qu'ils sont dans les cabinets, ils font leur travail, donc ils ne sont pas disponibles, autour d'un buffet. Hein. Je vais les convoyer, arrondissement par arrondissement, je vais en faire 2 cette année, pour leur parler de l'éthique d'Alma et comment ils peuvent répondre à leurs questions et voir avec eux comment ils peuvent nous signaler des situations de maltraitance. Alors, je ne désespère pas. Oui, Emmanuel Mussard, vous me disiez que la maltraitance de parents victimes de la maladie de Parkinson est un objet plutôt rare dans la littérature médicale. Oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'au niveau de Parkinson, c'est plus la maltraitance médicamenteuse, comme je disais. Soit c'est l'excès de neuroleptique, soit c'est carrément rupture de soins involontaire. Donc pas de médicaments à heure fixe. Et ça, c'est fatal pour le malade. Le malade parkinsonien doit prendre ses médicaments à heure fixe pour éviter justement tout blocage et accentuer le tremblement. Donc il suffit que les dents s'absentent et qu'elles s'en vaillent. Dire, tu te débrouilles, si le malade est alité, c'est compliqué. Donc chez nous, voilà, ça sera plus de la maltraitance médicamenteuse. Et imaginez le malade d'Alzheimer qui a en plus la maladie de Parkinson. Oui, alors là, oui. Pascal Savoie de l'association Alma 974. Le numéro de téléphone, évidemment, avec quelqu'un au bout du fil, s'il vous plaît. 02 62 41 53 48. 02 62 41 53 48. Le mardi matin de 9h à midi et le jeudi après-midi de 13h à 16h. Emmanuel Mussard de France Parkinson Réunion. Alors, pour rejoindre l'association, il faudra composer le numéro de téléphone 06 92 62 92 43. Merci beaucoup, mesdames. Je peux rajouter une petite chose quand même. Bien sûr, Pascal Savoie. Les personnes aussi sur le répondeur peuvent, on leur dit qu'ils peuvent appeler le 39 77 lutte contre la maltraitance en métropole, déposer leur signalement et après, ce numéro nous renvoie par internet le signalement et nous on prend contact avec les personnes et on fait la suite. Merci, voilà. Merci à vous, à très bientôt sur la première. 8h, 10h. Allô première, Claude Montanet. L'information routière avec Yves Gruyer, il est du côté de la commune Prima. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Yves. Grosse pluie sur Saint-Benoît, attention, prudence sur cette partie est de l'île, route nationale 2, route nationale 3, sur la partie basse de la route des plaines. Restez vigilants, chaussée glissante en ce moment sur cette partie route 4 voies ou d'agglomération. Circulation correcte, ça s'est libéré complètement donc dans l'ouest, il n'y a plus de bouchons pour circuler de la route des Tamarins vers la route du littoral avec des ralentissements qui se situent à la sortie du tunnel du Cap Bernard, les tranchées, ça roule également correctement. Fin de Lancastel sans trop de difficultés, sur Saint-Denis donc peu de problèmes ce matin, même s'il y a quelques tronçons encore du boulevard Sud un peu chargés à cette heure-ci. Je rappelle donc les contraintes durant le week-end, des manifestations sportives dimanche matin côté Sainte-Suzanne avec le trail du bassin Bœuf et dimanche après-midi du côté de Saint-Pierre avec une course cycliste. En vous rappelant évidemment que le Grand Boucan se déroule dimanche. Bonne fête des pères à tous cet après-midi. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Juste après le journal de France Info, votre émission de service, les experts. Et ce matin, nous recevons un notaire. Les questions au standard 02 62 99 2000 par SMS au 06 92 608 335. 8 heures. Il est 9h01 sur la première. Nous sommes le vendredi 17 juin, il est 7h. Bonjour Jean-Christophe Martin. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Des dizaines de rescapés du Bataclan lui doivent la vie. Didi, cet agent de sécurité de la salle de concert, est désormais français. La cérémonie de naturalisation hier a couronné un courage exceptionnel, un moment rare. France Info y était, reportage dans un instant. Après l'émotion de la marche blanche hier, l'heure de l'hommage officiel pour le couple de policiers assassinés lundi à Magnanville, ce sera en présence de François Hollande tout à l'heure à Versailles, on va y revenir. C'est le rendez-vous attendu depuis 3 mois, depuis le début du mouvement anti-loi travail. Le leader de la CGT ne sera pas en tête de cortège dans la rue aujourd'hui, mais en tête de gondole de l'agenda de la ministre du Travail. Il se retrouve dans son bureau dans une heure. Le Royaume-Uni en deuil, la campagne du référendum gelée après le meurtre d'une députée qui militait pour le maintien dans l'Union européenne. Sans doute un tournant dans la campagne. Le point à Londres dans le journal. Et l'Euro de football, l'Allemagne tenue en échec hier soir 0-0 par la Pologne. France Info. Et on commence avec l'hommage à l'un des héros du Bataclan. Héros, un mot qu'il n'aime pas, mais tant pis, on va quand même le dire comme ça. C'est le mot qui convient le mieux. Didi, le vigile du Bataclan, a sauvé des vies le soir du 13 novembre. Beaucoup de vies en aidant les spectateurs du concert à s'enfuir au péril de sa propre vie. Ce soir-là, il a eu tous les réflexes qui sauvent. Hier, avec ses proches et des rescapés, il était au ministère de l'Intérieur pour la cérémonie officielle de sa naturalisation. Un dossier déposé en fait avant les attentats, mais accéléré depuis. Sandrine Etoa-Andegue y était pour France Info. Une cérémonie présidée par le ministre Bernard Cazeneuve. Cher Didi, la République vous souhaite du fond du cœur la bienvenue. Après la cérémonie officielle, vive Didi, vive la République et vive la France. Les rescapés n'attendaient que ça, saluer et féliciter Didi, leur héros. C'est pas tous les jours qu'on assiste à ça. La commémoration de son héros. Ouais. Mais change ta sonnerie de portable, s'il te plaît. Et le chambrer comme un ami. Allez, bois un verre, tranquille. Ouais, ouais. Allez. Et Bernard, il est sympa. Elle est directeur du Bataclan, ses collègues vigiles, sa femme et leur fille de 10 jours, sa maman sont là. Super, mon fils est là, sauvez beaucoup de têtes, appelez-les la Louis. En costume noir, le sourire modeste, l'agent de sécurité est presque gêné d'être sous les projecteurs. Ces personnes qui ont perdu la vie au Bataclan et dans les attentats, et leurs familles qui doivent porter le deuil tous les jours. Pour moi, ça a toujours été eux, les véritables héros de cette histoire. Moi, on peut me parler d'abnégation, de courage, de sang-froid. C'est vrai, j'ai fait preuve de tout ça ce soir-là, mais héros, ouais, j'ai jamais voulu qu'on me colle cette étiquette, forcément. Mais Myriam, hôtesse de l'air pétillante, en rajoute. Pour moi, Didi, c'est mon sauveur, c'est mon héros, c'est celui à qui je dois d'être là à vous parler, c'est à lui que mon bébé doit d'avoir une maman. Et conclut, maintenant j'attends qu'on lui donne la Légion d'honneur. Sandrine Etoa Andeg au ministère de l'Intérieur avec Didi. François Hollande préside ce matin la cérémonie de l'hommage officiel au couple de policiers tués lundi soir à Magnanville dans les Yvelines. Et la cérémonie va se tenir à la préfecture à Versailles en présence des familles des victimes et de quelques 3000 policiers. Le chef de l'État prend la parole vers 11h. Un hommage aux deux victimes, Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, tués au nom du groupe État islamique par Larossi Abala, mais aussi un message de soutien du chef de l'État pour les policiers. Louise Baudet. Ils sont morts pour que nous puissions vivre libres. Ces mots-là, François Hollande les a prononcés le 13 janvier 2015 dans la cour d'une autre préfecture, celle de Paris. Discours d'un genre qu'il n'aurait jamais imaginé devoir prononcer. Le premier d'une liste qui s'allonge au rythme des attaques terroristes. La privation de liberté, la souffrance et la mort auront habité le quinquennat, note un proche collaborateur. Une élue qui connaît bien François Hollande confirme, vivre avec la mort, c'est omniprésent dans sa tête. Le reste passera toujours après. Alors ce discours, le troisième après celui des attentats de Charlie et l'hommage national aux Invalides en novembre dernier. Il sera, comme les autres, très personnel, assure l'Élysée. Discours d'hommage aux deux victimes et message de soutien aux forces de police incroyablement sollicitées, dit-on, entre la menace terroriste, l'euro et les manifestations anti-loi travail. Les slogans anti-flics et les pavés en tête de cortège, le président y fera allusion. Mais attention, toute polémique lui serait immédiatement reprochée à l'heure où la droite l'accuse de laxisme et la gauche d'instrumentalisation des violences à des fins politiques. Louise Baudet du service politique de France Info. Hier, dans une atmosphère chargée d'émotions, 2500 personnes se sont retrouvées pour une marche blanche entre le commissariat de Mantes-la-Jolie où le couple de policiers assassinés avait travaillé et leur domicile de Magnanville. La foule s'est recueillie pendant plus de 10 minutes devant le pavillon avant d'entonner une Marseillaise. France Info. 7h presque 6 sur France Info, c'est ce qu'on appelle un rendez-vous très attendu. La ministre du Travail, Myriel El Khomri, et le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, en pointe dans le mouvement contre la loi travail, se retrouvent dans moins d'une heure à 8h au ministère, rencontre inédite depuis début mars, sur fond de blocage complet après les nouvelles manifestations de mardi. Philippe Martinez va demander la suspension du débat parlementaire, proposition rejetée dès hier par la ministre, dialogue de sourds donc, plus largement dialogue social paralysé, comme l'a encore montré hier l'échec des négociations des partenaires sociaux sur l'assurance chômage. Sarah Lemoine. Cet échec, les syndicats l'imputent au MEDEF qui s'est montré inflexible à toute hausse de cotisations patronales. Le gouvernement va donc reprendre la main, mais avec l'espoir de remettre tout le monde au travail après l'été. Michel Boga, de Force Ouvrière, n'y croit pas une seule seconde. Reprendre les discussions après l'été, pour moi, ça ne me paraît pas plausible. Parce que les freins qui existent aujourd'hui au sein du MEDEF ne seront pas levés. On ne peut pas se permettre d'avoir deux échecs de négociations d'assurance chômage dans la même année. Si le dialogue ne reprend pas, c'est le gouvernement qui fixera les règles et les chômeurs pourraient en pâtir selon Éric Courpotin de la CFTC. L'État pourrait très bien remodifier le montant des allocations et ça sera forcément au détriment des demandeurs d'emploi. L'État risque de raisonner plus en termes financiers qu'en termes humains. Pour le demandeur d'emploi. Le MEDEF, qui a refusé d'augmenter les cotisations, pourrait aussi laisser des plumes, reconnaît Jean Cerruti, son négociateur. C'est un risque qui existe. L'État se retrouve avec un degré de liberté considérable. Il peut prendre tous les pavés qui ont été mis sur la table dans ces négociations. Mais il faut que ce soit dans un contexte où on puisse rapprocher les points de vue. C'est pour le moment pas le cas. Un MEDEF inflexible, des syndicats déçus et un gouvernement qui récupère un dossier explosif. La panne du dialogue social ne profite décidément à personne. Sarah Lemoine. La campagne du référendum sur l'Europe est gelée au Royaume-Uni après le meurtre d'une députée travailliste. Jo Cox, tuée par balle en pleine rue à Birstall, dans le nord de l'Angleterre, un village de sa circonscription. Elle avait 41 ans, elle était mère de deux enfants et elle militait activement pour le maintien dans l'Union européenne. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore éclaircies, notamment sur les motivations politiques ou pas de son agresseur. Mais dans le contexte extrêmement tendu de la campagne, la tragédie crée une onde de choc dans tout le Royaume-Uni. À Londres, pour France Info, Franck Mathevon. Le Royaume-Uni est dans le temps du deuil, de l'enquête. On ne connaît pas encore précisément les faits et les motivations du tueur. Il est donc difficile à ce stade de mesurer l'impact de ce drame sur la campagne, mais il y aura certainement des conséquences. D'abord, cette campagne est suspendue et on imagine mal qu'elle puisse reprendre avec la même agressivité que ces dernières semaines. Du côté des pros comme des anti-UE, les mots ont parfois été durs. Le ton de cette campagne pourrait donc changer. Et si ce drame doit avoir une conséquence sur le référendum de jeudi prochain, il est probable qu'il suscite plutôt un courant de sympathie pour les causes que défendait Jo Cox, en particulier bien sûr la campagne pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l'UE. Ce sera d'autant plus le cas si ce meurtre a un mobile au moins en partie politique. Tout cela est évidemment très secondaire ce matin, place au deuil, à l'émotion, mais la mort de Jo Cox a peut-être marqué un tournant dans la campagne. Londres, Franck Mathevon, France Info. On verra justement s'il y a tournant dans la campagne. On en parle avec le prochain invité de France Info à 7h15, qui est journaliste au quotidien The Times. Et dans l'Euro de football, l'Allemagne tenue en échec hier soir. C'est le premier match nul d'ailleurs depuis le début, 0-0 face à la Pologne. Les champions du monde allemand ont déçu leurs supporters. Tout le monde attendait mieux. Une soirée de football vécue au Stade de France pour France Info par Franck Ballonger. C'est donc l'Allemagne, championne du monde en titre, qui a concédé le premier 0-0 de l'Euro 2016. La faute à des Polonais remarquables de rigueur et d'abnégation. La faute aussi à une Mannschaft en manque d'imagination. Le constat est de Jérôme Boateng, le patron de la défense allemande. Nous pouvons mieux jouer, nous devons mieux jouer, particulièrement en attaque, parce que sinon on n'ira pas loin dans ce tournoi. Toute l'équipe a bien défendu, mais offensivement c'était insuffisant. On ne s'est pas créé assez d'occasions et il va falloir travailler là-dessus. Il y a deux ans, lors de la Coupe du Monde au Brésil, l'attaque allemande avait brillé de mille feux. Hier, Götze, Müller ou Özil n'ont absolument pas pesé. Et pendant 90 minutes, Joachim Löw a vu ses joueurs se cogner contre un mur. Il y avait toujours 9 ou 10 Polonais devant nous. Et dans le dernier geste, nous n'avons pas été assez rapides. En fait, nous n'avons pas réussi à accélérer. Nous n'avons pas été aussi bons que prévu. Mardi prochain, au Parc des Princes, les coéquipiers de Toni Kroos devront battre l'Irlande du Nord s'ils veulent terminer en tête du groupe C. L'Allemagne de Joachim Löw a 5 jours pour retrouver l'inspiration en attaque. Ouais, c'était le premier 0-0, pas le premier match nul. C'est fini en tout cas pour l'Ukraine, éliminée par sa défaite 2-0 face à l'Irlande du Nord. L'Angleterre a battu le Pays de Galles 2-1. Le programme du jour, Italie-Suède, République Tchèque-Croatie et ce soir Espagne-Turquie. Des matchs à vivre en direct sur France Info, la radio officielle de l'Euro 2016. Jean-Christophe Martin pour le journal, 7h presque 11. L'info revient à 10h. Il est 9h11 sur la première. Vous aurez au bout du fil dans moins de 5 minutes un notaire au 02 62 99 2000. Préparez d'ores et déjà vos petites questions. Vous pouvez aussi nous en laisser par SMS au 06 92 608 335. C'est une bonne partie de la région ouest qui sera sous les nuages aujourd'hui, voire même sur l'extrême est du sud, de la côte sauvage à Sainte-Rose, idem pour le volcan, le cirque de Salazie, les villes de Saint-Benoît et de Saint-André qui n'échapperont pas à la règle. La moitié nord-est sera aussi impactée. Dans l'après-midi, nous noterons une petite amélioration pour le nord, de Sainte-Marie à Saint-Denis, ciel bleu pour la côte sud, de l'étang salé à Saint-Pierre, voire jusqu'à Saint-Joseph. Une question à poser sur une donation. Comment se fait un partage de biens? Qu'appelle-t-on l'usufruit? Est-ce que nous avons, le droit de déshériter un des enfants de la famille? Peut-on contester un testament? Et à quel moment il est conseillé de se rapprocher d'un notaire? Jusqu'à 10h, votre émission de service, les experts, un seul numéro de téléphone, 02 62 99 2000. Les experts de Réunion Première, 0262 99 2000. Réunion Première. Mehdi Cherville. oreilles, un petit bisou d'un coup. Et nous les bien ensemble, l'amour est tellement doux. Notre vie les filles pareil, notre amour t'es en sommeil. Et tous les jours, oui, m'y veut réveiller ensemble nous. Sentir au fond sur moi, il donne à moi des ailes. M'y veut voler ensemble jusqu'à grand matin. La nuit est tellement belle, c'est toi qui brille dans le ciel. M'y veut aller écho devant l'éternel. Mon aimé, dis-moi, ça m'y veut, m'y veut d'un amour. Place pour notre bonheur, là devant où m'y met ta main à genoux. Mon aimé, diable, ça m'y veut, m'y veut d'un amour. Maître Jérôme Sidney, notaire, bonjour. Bonjour Claude. Merci d'être avec nous, merci d'être là pour répondre aux questions des auditeurs. Le standard est à votre disposition. Brandon vous accueille au 02 62 99 2000. Les questions également par SMS au 06 92 608 335. Première. 10h midi. Vous êtes chez vous. Lionel Olivier. Vous aurez en tout cas tout à loisir de passer vos petites annonces à partir de 10h40. Nos dallons la cour. Bonjour, bonjour, comment ça va? 10h midi. Radio Novella, le cinéma, les bons plans, Song Story, la matinée ensemble. C'est encore mieux en première. Avec la première. À l'occasion de la fête de la musique, Réunion des musées régionaux vous invite à un rendez-vous exceptionnel gratuit le 21 juin à Stella Matutina. De 18h à 20h, ne manquez pas la conférence concert de l'auteur de référence Jean-Pierre Lasselve. Au programme de cette soirée, présentation des premiers instruments, des musiques traditionnelles et intervention musicale avec la participation du groupe Vavang. Les danses lentons seront à l'honneur. Quadri, Sega, Polka, Vals, Nora l'ambiance le 21 juin à Stella Matutina. Plus d'informations sur www.museereunion.re. Réunion des musées régionaux, nos musées méritent qu'on s'y attache. Première. 8h. 10h. Allô Première, Claude Montanet. Maître Jérôme Sidney, notaire, une question très simple qui est arrivée par SMS au 06 92 608 335, mais elle revient très souvent dans l'émission lorsque vous êtes présent dans le studio. Est-ce qu'on a le droit de déshériter un des enfants de la famille? Alors Claude, dans la loi française, il est strictement interdit de déshériter. C'est interdit, ce n'est pas possible. Alors après, en s'organisant, il est possible d'avantager un ou plusieurs des enfants. Mais normalement, la loi, via ce que l'on appelle la réserve héréditaire, prévoit de réserver au profit des enfants, au profit des héritiers directs, une part dans la succession des parents qui décèdent. En revanche, donc, avantager plus un que l'autre, ça c'est... C'est possible, ça, c'est possible, ça. dans certaines limites. Alors, quelles sont ces limites ? Les limites, lorsque vous avez un enfant, vous faites ce que vous voulez de la moitié de votre succession, l'autre moitié étant réservée pour cet enfant. Quand vous avez deux enfants, vous avez un tiers de votre succession dont vous pouvez faire ce que vous voulez, donc soit avantager un des enfants, soit donner à un étranger. Oui. Et lorsqu'on a trois enfants et plus, c'est un quart de la succession qui peut être donnée à un étranger ou qui peut servir à avantager l'un des enfants. 02 62 99 2000 pour poser toutes les questions au notaire sur la première jusqu'à 10h et aussi par SMS au 06 92 608 300 35. On est au standard de la première. Dans un instant, donc, et puis alors, des questions par SMS, nous en avons déjà ici sur la première. Et notamment avec cette réaction, mon père qui est décédé en juillet 2015, il avait souscrit un crédit voiture en avril 2015 et n'a donc pas eu le temps de rembourser le crédit. Nous sommes deux enfants ayant procédé à la renonciation pour éviter que les dettes nous tombent dessus. Papa n'ayant pas d'actifs, alors ça va faire un an bientôt que le véhicule est toujours là et n'a jamais été récupéré par la maison de crédit. Est-ce que c'est normal ? Alors, dans cette situation, je pense qu'il est fortement conseillé de prendre contact avec la maison de crédit et ne surtout pas attendre de voir ce qui va se passer. Prendre contact avec la maison de crédit pour rendre le véhicule, s'il y a lieu de rendre le véhicule. Ce qu'il faut savoir, c'est que les contrats de prêt, en général, sont assortis de la souscription d'une assurance qui, en cas de décès, permet de rembourser le prêt. Dans notre situation là, les héritiers semblent avoir renoncé à la succession. Renoncer à la succession, ça veut dire ne rien accepter, refuser la succession, donc ne pas recevoir de biens qui provenaient du défunt. Donc si les héritiers gardent la voiture, c'est contraire à leur engagement de renoncer à la succession. Donc attention, en acceptant simplement la voiture, en la gardant avec eux, on pourrait avoir des créanciers qui leur reprochent d'avoir finalement implicitement accepté la succession et donc devenir mécaniquement également solidaire des dettes du défunt si certaines n'étaient pas remboursées. Donc dans cette situation, il faut vraiment contacter la maison de crédit pour que la maison de crédit vienne récupérer le véhicule. Alors l'auditeur précise bien que ça va faire un an que le dossier traîne. Donc... Alors oui, mais le si mais en attendant, il continue de payer, c'est ça ? Alors, aucune idée à voir avec l'auditeur, mais en clair, ce qu'il faut, c'est surtout ne pas faire quelque chose qui pourrait, un acte positif qui pourrait laisser sous-entendre qu'ils acceptent la succession si jamais il y a des dettes. 02 62 99 2000, Renmé de Saint-Louis est avec nous. Bonjour Renmé. Bonjour, bonjour Claude et bonjour le notaire. Bonjour madame. Je voudrais savoir qu'est-ce qui justifie, pourquoi c'est si cher tous les ce qu'on doit faire, les insurances, les successions. Renmé, on a un petit peu de mal à vous entendre. Oui, parce que moi aussi j'ai un retour. Avez un retour, alors on va essayer de réparer ce petit souci. C'est juste que vous souhaitez savoir pourquoi les frais de notaire, c'est ça ? Oui, sont très chers. Sont si chers. Il y a des choses qu'on pourrait faire et c'est le prix qui nous... Alors, il faut savoir, madame, que les frais de notaire sont fixés par l'État. Dans les frais de notaire, que ce soit des frais de succession ou des frais de vente, il y a les honoraires du notaire, qui en général représentent aux alentours de 1 à 2% maximum de la valeur des biens qui sont donnés ou vendus. Mais à côté de ça, vous avez des taxes qui sont à verser à l'État. Il ne faut pas oublier que le notaire est un collecteur d'impôts. C'est-à-dire que lorsque vous vendez un bien, eh bien, le vendeur doit des taxes sur les plus-values, l'acheteur doit des taxes au titre des droits de mutation perçus par l'État. Dans le cadre d'une succession, lorsque vous avez utilisé les abattements permis par la loi actuellement de 100 000 euros, au-delà, il faut savoir que la taxation entre enfants est de 20%, ce qui représente vite une somme importante compte tenu de l'augmentation des biens immobiliers. Et plus le lien de famille, par exemple, dans une succession, plus le lien de famille est éloigné, plus le montant des taxes à payer est cher. Il faut savoir que quand deux personnes, par exemple, un oncle ou une tante qui donne un bien à son neveu ou à sa nièce, il peut y avoir jusqu'à 55% de taxes sur la valeur du bien immobilier, ce qui représente plus de la moitié de la valeur du bien en taxes. Et ce que l'on appelle 55%. Et entre étrangers, entre deux personnes qui n'ont pas le lien de famille, la taxation va jusqu'à 60%. Donc il faut savoir que ce que l'on appelle, en fait, ce que les gens appellent frais de notaire, ne représente pas que les honoraires du notaire, mais représente des taxes perçues par l'État. Et encore une fois, ces honoraires, donc les sommes versées au notaire pour le travail qu'il effectue, comme les taxes, sont fixées par l'État. D'accord ? Voilà pourquoi ces frais sont souvent relativement élevés. Et ne perdons pas de vue que c'est la valeur des biens transmis qui sert à l'établissement du calcul des frais. Donc plus la valeur des biens va être importante, plus les frais vont être importants. J'ai compris que c'est une histoire de taxe. Oui. Je dirais même surtaxe, plutôt. Est-ce qu'on est obligé, quand on vend, de faire une succession ? On ne peut pas passer directement à la vente totale, quoi. La succession, alors, dans quel cas, madame, vous avez quelqu'un qui est décédé ou vous parlez de donner à vos enfants ? Non, c'est un bien de mes parents. Eh bien, si c'est un bien de vos parents, vous n'aurez pas le choix que de régler la succession avant la vente et ensuite de vendre les biens. Alors, ce qui se passe en général chez le notaire dans ces situations-là, quand il y a une succession à régler et qu'il y a un bien vendu, eh bien on s'arrange, le notaire s'organise pour faciliter les choses et pour éviter aux personnes qui font leur dossier, pour éviter d'avoir à sortir de l'argent avant de toucher le prix de vente, eh bien on règle la succession le même jour que la vente. Et en fait, les frais de succession sont prélevés sur une partie du prix de vente qui revient au vendeur. Voilà, Reine May. Merci beaucoup. Disons, on ne peut pas l'éviter, ces frais de succession. Madame, les frais de succession, vous ne pouvez pas les éviter. Ça, c'est clair et net. Merci, okay. Reine May. Merci, je vous en prie. Vous appelez de Saint-Louis et nous allons rester sur Saint-Louis et encore avec notre auditeur Jean-Daniel. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Jean-Daniel, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, ça concerne un terrain familial. Oui, c'est exactement ça. C'était pour savoir si ce terrain familial, comme on est à plusieurs, est-ce que c'est normal qu'il y ait un seul qui a la succession de ce terrain ? Alors, dans votre situation, monsieur, lorsque vous avez un seul bien qui constitue l'actif de succession, c'est-à-dire que les parents n'ont laissé qu'un seul bien et que seul un des enfants a reçu ce bien, eh bien vous avez la possibilité de demander votre part. Comme je l'expliquais tout à l'heure en début d'émission... Il a tout à fait le droit. Bien sûr, il a tout à fait le droit. Alors après, c'est dans des délais qui sont fixés, c'est ce qu'on appelle la prescription, c'est-à-dire vous avez un certain délai pour agir et demander votre part à cet enfant. Donc la première des étapes, c'est d'ouvrir un dossier de succession chez un notaire, d'expliquer la situation, ensuite de prendre contact avec cet enfant qui a reçu la totalité des biens et de procéder à un partage pour savoir qui a le droit à quoi. Et cet enfant qui a tout reçu devra soit rendre une partie du bien si c'est possible pour attribuer une part à chacun des enfants, soit faire un chèque. C'est ce qu'on appelle l'action en réduction. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais tout à l'heure, lorsque des parents décèdent et laissent des enfants, ces parents ne peuvent pas tout donner à un seul des enfants. La réserve héréditaire prévue par la loi vous permet de bénéficier d'une part de succession, mais dans votre situation, vous n'aurez pas le choix que d'entamer au moins une démarche amiable dans un premier temps pour essayer d'arrondir les angles. Et si vous ne réussissez pas, eh bien vous devrez faire une procédure auprès d'un tribunal. Ah, mais c'est très bien. Merci bien. Voilà. Merci, on a répondu à la question, alors ça va. Ok, pas de problème. Merci à vous. Allez, merci, au revoir. Bonne à journée. Bientôt, à bientôt journée, sur la première. Marie de Saint-Paul qui nous dit au 06 92 608 335, peut-on renoncer à la succession d'un bien familial ? Tout à fait, il est tout à fait possible de renoncer à la succession d'un bien familial, mais il faut prendre garde à une situation, c'est que lorsque l'on renonce à une succession d'un bien familial et qu'on a soi-même des enfants, eh bien le fait de renoncer transmet la part aux enfants. Donc ça peut avoir des conséquences importantes et il faut absolument prendre contact avec un notaire pour étudier la situation et voir quelle sera la meilleure des solutions pour cette personne. Si on a renoncé, on ne peut plus revenir. C'est difficile de revenir en arrière. Ça arrive souvent qu'on renonce et puis après tout d'un coup, on dit que allez, on change. Non. La situation en général, les gens savent très bien une fois que lors d'un rendez-vous pour clarifier les choses dans le cadre d'un dossier de succession, la renonciation a surtout lieu lorsque la succession comporte beaucoup plus de dettes que d'actifs. Où là, l'héritier mécaniquement ne va pas accepter la succession de la personne décédée si cette acceptation entraîne l'obligation de payer des sommes qui vont dépasser ce qu'elle reçoit. 02 62 99 2000, Maître Jérôme Sidney, notaire, est avec nous jusqu'à 10h. Une question à poser peut-être sur la donation. Comment se fait un partage de biens? Qu'appelle-t-on l'usufruit? Peut-on contester un testament? Ce sont là quelques questions, mais vous pouvez aussi nous en poser d'autres, notamment par SMS au 06 92 608 335. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Alors, tout à l'heure dans l'émission précédente, vous avez pu entendre Pascal Savoie, qui fait partie de l'association Alma 974, qui nous parlait d'un cas de maltraitance, notamment un des enfants le parent a gardé l'usufruit, donc l'enfant s'est installé chez ce parent, et au final, ça s'est très très mal fini, parce que la personne s'est retrouvée carrément. Dans le chemin. Ouais. Ce genre de cas de maltraitance, par exemple, est-ce que le notaire... Vous recevez ce genre d'informations aussi? Alors oui, nous, notaires, sommes les conseillers des familles. Donc nous avons en général beaucoup d'informations sur des situations qui peuvent être importantes ou inquiétantes pour certaines personnes. Dans ce cas-là, il faut savoir que le notaire n'hésite pas à signaler la situation lorsqu'il y est confronté. Si vous êtes confronté à un cas de maltraitance ou un cas d'une personne qui abuse d'une personne âgée, oui, bien sûr, ça nous arrive de signaler au procureur de la République qui lui décide ou pas d'enclencher une enquête, signaler, oui, au procureur la situation, bien évidemment. On est là, nous, les notaires aussi, pour protéger les gens. Et le fait d'avoir un contact avec les familles facilite les échanges. Vous, j'imagine. Oui, qui je crois. Alors, votre question, Françoise. Eh bien, c'est par exemple, mon nana a un bien. Oui. Est-ce que m'y peut vendre, moi, de mon côté, ne de lui, d'accord, ensemble, nous, hein? Nous, ne de lui, les pas séparés, ni divorcés, ni rien. D'accord. Mais est-ce que m'y peut vendre mon bien, m'y peut vendre le bien, la maison, sans que lui connaît? Alors, dans votre situation, madame, vous êtes propriétaires tous les deux du bien. Oui. Et dans ce cas-là, non, il ne sera pas possible pour vous de vendre le bien sans l'accord de monsieur. Oui. Soit le bien vous appartient en propre. Mais le bien y appartient ne de lui. Eh ben, si le bien appartient à vous deux, madame, vous n'avez pas le choix que d'avoir l'accord de monsieur pour vendre le bien. Et est-ce que la personne qui achète. Oui. Elle n'a le droit de faire en mairie une procuration sans que l'autre y connaît et vendre la maison. Madame, vous ne pourrez pas vendre, que ce soit via une procuration ou via une quelconque solution différente, lorsqu'on est propriétaire à deux d'un bien immobilier, il faut l'avis des deux. Ouais. Il faut l'avis des deux, vous n'aurez pas le choix. Il n'y a pas de solution, vous ne pourrez pas vendre le bien sans l'accord de monsieur. Eh bien... C'est un cas que laisse passer comme ça. Alors, ne de lui n'en a la maison, et lui l'a entendu avec le vendeur, l'acheteur, il a fait une procuration sans que m'y connaît, et il a bien vendu la maison sans que m'y connaît. Moi, l'a connu 4-5 mois après, moi, l'a connu que la maison était vendue. Alors, dans ce cas-là, madame, ça veut dire qu'ils ont fait des faux. Ils ont fait des faux, ça veut dire que la mairie, ce que vous dites est très grave, puisque ça veut dire que la mairie aurait légalisé votre signature, c'est-à-dire la mairie aurait certifié que c'est vous qui avez signé, alors que ce n'est pas vous qui avez signé. Donc dans ce cas-là, il faut vous rapprocher d'un avocat et entamer une procédure contre monsieur le plus rapidement possible. Voilà, Françoise. Monsieur, est-ce que m'y peut plus? Alors c'était il y a combien de temps, madame? Depuis en 2000, c'est ça. Ah, ça, ça remonte, madame, si ça, ça remonte fait à 16 ans et que vous n'avez rien fait jusqu'à aujourd'hui, il est grand temps de vous poser la question et de vous pencher sur le problème, de prendre contact avec un avocat pour savoir ce que vous pouvez faire et quelle est la procédure éventuellement que vous pourriez envisager. Mais là, si vous n'avez rien fait, le juge va vous dire que vous ne gérez pas bien vos affaires et qu'il aurait fallu vous réveiller plus tôt pour entamer une procédure. Oui, d'accord. D'accord, Françoise ? Donc, il est trop tard. Je ne vous dis pas qu'il est trop tard, madame. Je vous dis qu'il faut que vous preniez contact avec un avocat pour voir justement s'il y a quelque chose à faire. Oui, d'accord. Faites ça dans un premier temps, Françoise. Deux. M'y pense que l'est trop tard, m'y revenir un peu dessus. Posez. Moi, dans une autre maison que j'étais en train de refaire la même chose. Eh bien, dans ce cas-là, madame, il faut écrire à la chambre des notaires. Il faut écrire à la chambre des notaires en indiquant que quelqu'un se sert de votre signature pour éventuellement faire des choses qui ne sont pas légales, pour que votre cas soit signalé à tous les notaires et que les notaires soient vigilants. Maintenant, si vous avez pour habitude de vous faire avoir par votre ex-mari, il va peut-être falloir, encore une fois, vous poser la question et vous pencher sur le problème, de prendre un avocat et d'entamer une procédure tout de suite. Françoise, faites-le très rapidement, s'il vous plaît, d'accord ? D'accord. Chambre des notaires. Chambre des notaires. Avocat, madame, également. Et avocat aussi. D'accord. Merci beaucoup, monsieur, parce que là, elle est en train de refaire la même chose avec moi. Alors, pour éviter d'avoir ce problème, donc, suivez les conseils donnés à l'instant par maître Jérôme Sidney, vous voyez avec le notaire, et puis aussi la chambre des, avec l'avocat et avec la chambre des notaires. Merci Françoise. D'accord, merci beaucoup. Bon courage, monsieur. Bon courage à vous et merci d'avoir appelé. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montané. Nous sommes sur Saint-Philippe. Marie, bonjour. Bonjour. Bonjour Marie. Allô. Oui, bonjour. Bonjour Marie. Oui. J'appelais pour avoir un renseignement. Bien sûr. Comment ça se passe quand quelqu'un décède et qu'il y a des enfants de cette personne décédée, donc d'un mariage, mais qu'il a eu des enfants en dehors du mariage? Alors, dans votre cas, madame, il faut procéder à l'ouverture de la succession auprès d'un notaire. Qui va prendre contact, il faudra fournir au notaire les adresses des différents héritiers, c'est-à-dire des enfants nés pendant le mariage et des enfants qui sont nés hors mariage. Oui. Il va falloir vérifier que ces enfants nés hors mariage soient reconnus par la personne décédée, parce que s'ils n'ont pas été reconnus, alors ben, ce ne sont pas des héritiers, puisque ce ne sont pas ses enfants. S'il ne les a pas reconnus, ça peut être des ladis la fée ou des choses comme ça. Et le notaire en charge de la succession convoquera tout le monde et le partage sera fait à part égale entre tous les héritiers, sauf éventuellement testament ou disposition particulière qui aurait été prise avant de mourir par la personne qui est décédée. D'accord, donc même si les enfants ont été reconnus et qu'il y a un testament dans lequel, par exemple, ils ne donnent rien, ces enfants-là n'auront rien. Alors non, madame. Les enfants, comme je l'expliquais en début d'émission, les enfants ne peuvent pas être privés de droits dans la succession du parent décédé. C'est-à-dire que les enfants, qu'ils soient nés pendant le mariage, c'est-à-dire que les enfants soient nés au sein du couple marié, et qu'il y ait des enfants qui soient nés à l'extérieur, ne changera pas la donne. Chaque enfant a les mêmes droits, qu'il soit né en dehors du mariage ou qu'il soit né du mariage. Chacun a les mêmes droits. Donc si monsieur a voulu avantager un des enfants, il peut l'avoir avantagé d'une petite quote-part comme la loi le permet, mais en aucun cas il ne peut priver, même avec un testament en disant « je ne veux pas que les enfants nés hors mariage aient quoi que ce soit », ça n'aura aucune valeur légale. D'accord ? Et si les enfants, par exemple, n'ont pas eu le temps d'être reconnus, mais qu'il sait que c'est ses enfants, tout le monde le sait. Ah ben, peu importe, madame, s'ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas reconnus. Vous devrez, dans ce cas-là, entamer une procédure pour prouver que les enfants sont bien les enfants du défunt. Avec un test de paternité et tout ça. Exactement, c'est une procédure où il faudra vous rapprocher d'un avocat. Si les enfants ne sont pas reconnus, c'est plus compliqué. Hein. C'est vraiment beaucoup plus complexe. D'accord, mais ça peut aboutir avec un test de paternité. Ça peut aboutir. Si effectivement les enfants sont les enfants, par une procédure judiciaire, vous pourrez avoir une reconnaissance et réussir à faire valoir les droits dans la succession de la personne décédée. D'accord. Bien reçu, Marie, ça va ? Merci beaucoup. Les informations, vous les avez, donc merci d'avoir appelé de Saint-Philippe. Merci. Bonne journée. Avant de passer aux messages arrivés par SMS, ils sont très très nombreux au 06 92 608 335. Allez, un petit coup de David Guetta sur la première. Take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh, but I just got that feeling, sugar. Ooh, I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. Sam Martin, David Guetta, Dangerous sur la première. 8h, 10h. Allô première, Claude Montané. Allez, c'est parti pour les questions arrivées par SMS. Prêt, maître Jérôme Sidney, notaire? Toujours prêt. Allez, on y va. Comment se prémunir d'un éventuel recours d'un des enfants qui pourrait, dans le futur, intenter une action contre une vente qui va avoir lieu sous prétexte que le vendeur, donc un parent, n'est pas en possession de tous ses moyens au jour de la signature de l'acte. Alors, il faut savoir que si une personne n'est pas en possession de ses moyens au moment de la signature de l'acte, il n'est pas possible de signer l'acte. Si, devant le notaire, la personne fait preuve de manque de discernement, alors après... Tout est à ramener au niveau de chacune des personnes. Hein. Oui, vous avez certaines personnes qui peuvent être timides, être intimidées, et puis des personnes qui sont réellement malades ou avec un problème psychologique ou mental qui font que leur perception de la réalité est faussée. Dans ce cas-là, le notaire se doit donc de refuser de signer l'acte et de demander à ce que cette personne soit bénéficie d'une procédure de protection, donc soit une autorisation par le juge, une simple autorisation. Il existe des autorisations entre guillemets simplifiées qui permettent de signer les actes. Après avoir été validé par le juge, l'acte n'est plus attaquable. Donc cette solution, la seule solution pour cet auditeur pour réussir à passer un acte en n'ayant aucun problème dans l'avenir, c'est de se faire autoriser par le juge, donc soit par le biais d'une autorisation simplifiée, soit par le biais d'une mise sous tutelle ou d'une mise sous curatelle si la personne n'est pas capable de signer. Henri qui dit, Henri du Sud, le médecin de la famille ne veut pas faire de certificat. Ben, il est évident que le médecin, c'est le premier réflexe du notaire va être de demander un certificat de santé au-delà d'un certain âge pour avoir une preuve supplémentaire que la personne était en pleine possession de ses moyens. Mais c'est évident que si le médecin ne veut pas faire de certificat comme quoi la personne est capable, c'est que cette personne n'est pas capable. Si elle n'est pas capable, plutôt que de perdre du temps à essayer de trouver des solutions un petit peu bâtardes qui ne vont pas donner lieu à une signature. Il vaut mieux dès maintenant gagner du temps et faire le nécessaire pour signaler au notaire que la personne n'est pas capable de manifester sa volonté. D'accord. Et que le notaire puisse aiguiller les vendeurs sur les solutions qui sont envisageables. Alors c'est sûr que ça va prendre quelques mois supplémentaires, 1, 2, 3 mois suivant le cas, mais c'est la seule chose qui assurera une sécurité juridique maximale à l'acte. Avant de passer au message suivant, je vous donne le temps qu'il vous reste, surtout pour joindre Brandon. 10 minutes, pas plus, 10 minutes pour composer le 02 62 99 2000 pour poser toutes vos questions au notaire, donc Maître Jérôme Sidney qui est avec nous. La question suivante, c'est notamment Michel qui dit « Mes parents ont vendu leur bien, leur seul bien de leur vivant à un seul enfant. Que peuvent faire les autres et quand ?» Donc la question qu'il pose, et cela ressemble, alors c'est ce qu'il dit, Michel, cela ressemble à une donation déguisée, vu le prix. On en parle juste après. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Première. Le samedi et dimanche dans le 15-18, Lucas, ça se passe comme ça. Sur Réunion Première. Tous les tubes du moment. Des places de ciné à gagner. La pépite du dimanche. Elle est là. La semaine musicale parle de vos people. Et avec vous. Mais pourquoi pas. Vous savez quoi. Ce week-end, 15h-18h, Lucas, on est bien ensemble. Première. 8h. 10h. Allô Première. Claude Montanet. Maître Jérôme Sidney, notaire, la donation déguisée, vu le prix, vous avez compris le message de Michel. Tout à fait. Alors pour expliquer aux auditeurs, il faut déjà avoir une petite idée sur ce que c'est qu'une donation déguisée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une donation déguisée? C'est appeler quelque chose d'un autre nom, c'est-à-dire appeler une vente, alors qu'il s'agit en réalité d'une donation. La vente où le vendeur ne reçoit pas le prix parce qu'il ne veut pas le percevoir, la vente à un prix inférieur à la réalité du marché peut constituer une donation déguisée. C'est-à-dire, on déclare « je vends mon bien », mais en fait, on appelle ça « vendre », mais en fait, on donne le bien puisqu'on ne reçoit pas de prix en retour. Dans ce cas-là, c'est une donation déguisée. Si on est dans le cas d'une donation déguisée, il faut savoir que c'est au moment du décès des parents que les comptes vont être faits entre les héritiers pour savoir qui a reçu quoi, est-ce que les donations ou la transmission des biens respectent bien la loi et la réserve héréditaire, ce dont je vous parlais en début d'émission. Si ce n'est pas le cas, eh bien l'héritier ou les héritiers qui n'ont rien reçu peuvent entamer une procédure contre l'héritier qui a reçu ce bien en donation. Alors la question de Michel, à quand monter une action? C'est maintenant, ne pas tarder, c'est d'aller très vite. Soit au moment du décès, cette action elle n'est pas ouverte tant que les parents sont vivants. D'accord. Tant que les parents sont vivants, cette action ne peut pas être menée. Au décès des parents, la démarche est d'ouvrir le dossier de succession, de signaler au notaire et d'essayer d'entamer des démarches avec l'enfant qui a reçu plus. S'il n'y a pas de solution amiable, eh bien c'est le tribunal qui statuera sur la situation. Voilà pour la réponse, Michel. La question de Noé de la possession. Comment faire quand on a un terrain et qu'un des héritiers refuse de signer le partage du bien sans aucune raison valable? Que faire? Quelle solution? Eh bien, dans ce cas-là, c'est le tribunal qui va devoir statuer sur la situation. En réalité, lorsque vous êtes propriétaire d'un bien que vous avez reçu par succession ou d'un bien que l'on a... En réalité, lorsque vous êtes propriétaire d'un bien que vous avez reçu par succession ou d'un bien que l'on achète en division, c'est-à-dire vendre le bien, ouais, partager le prix, ou alors l'un des héritiers rachète la part des autres, donc on parle là de partage amiable, soit... S'il n'y a pas d'accord entre les parties, eh bien le partage sera judiciaire. C'est-à-dire qu'on va devoir aller devant le tribunal pour procéder au partage des biens. Et si l'un des héritiers ne souhaite pas vendre le bien, il y a des solutions possibles pour l'obliger, ou non pas l'obliger à signer s'il y a un problème juridique, mais pour, dans le cas où aucun problème juridique n'apparaisse dans le dossier et où ce refus est uniquement pour ennuyer les co-héritiers, il y a des solutions pour forcer un petit peu la main, et il existe des procédures pour forcer la main de l'héritier qui ne souhaite pas signer. Et dans le pire des cas, eh bien, il faut savoir que les histoires dans les indivisions peuvent aller jusqu'à la vente aux enchères du bien. Ça peut aller jusque-là. On part au standard de la première, direction la Ravine des Cabris. 8h, 10h. Allô première, Claude Montané. Mélanie, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est oui, à vous. Je voulais poser une question au notaire, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Une question au notaire, allez-y. Oui, voilà, je vends un terrain. Oui. Et je voulais savoir si le vendeur a... Mélanie, alors là, il y a un terrible son avec votre téléphone. Terrible, oui. terrible. Alors en fait, je vais essayer de reprendre la question, c'est que vous vendez un terrain, c'est ça ? Oui. Et vous voulez savoir s'il y a des taxes à payer au notaire lors de la vente ? Comment ? Alors, pendant vous voulez... la vente, oui. Dans votre cas, madame, donc vous vendez un terrain et vous vous inquiétez de savoir quelles sont les taxes que vous allez avoir à régler au moment de la vente et qui vont être collectées par le notaire pour reverser à l'État. Alors effectivement, lorsque l'on vend un bien, il existe des taxes, plusieurs taxes. On a la plus-value immobilière, c'est-à-dire c'est un impôt qui est appliqué sur l'augmentation de valeur du terrain entre le moment où vous êtes devenu propriétaire et le moment où vous vendez. Et puis il existe des taxes supplémentaires, il existe la taxe de déclassement, la taxe de déclassement qui a pour but de verser une taxe à la commune qui va équiper le terrain qui est devenu constructible après être passé de zone agricole à constructible. Vous avez encore une autre taxe qui s'appelle la taxe installation jeunes agriculteurs pour les terrains qui ont été déclassés après 2010. Il existe un certain nombre de taxes et c'est le notaire qui va les calculer au moment de la mise en vente du bien. Donc il faut prendre contact avec le notaire pour que le notaire puisse vous donner une simulation en fonction du prix de vente, en fonction du temps depuis lequel vous êtes propriétaire du bien pour calculer la plus-value en l'occurrence. Et à partir de ce moment-là, le notaire vous sortira un calcul. Le notaire, encore une fois, les taxes qu'il perçoit ne sont pas versées pour le notaire, c'est versé pour l'État. Le notaire est là pour... collecter les taxes pour l'État. Okay. Mélanie, vous avez compris ? Voilà. Voilà, madame. Merci à vous. Elle est partie. 8h, 10h. Allô première, Claude Montané. Alors cette question par SMS, mon frère qui est décédé au mois de janvier avait une voiture, j'aimerais récupérer cette voiture puisque je l'avais donnée à mon frère décédé, mais un des héritiers est contre. Quelle solution, Maître Jérôme Sidney, notaire ? Alors si le bien a été donné du vivant de la personne qui est décédée, eh bien lorsque l'on donne un bien, on ne peut pas le récupérer. D'accord, sauf cas très particuliers de biens immobiliers où dans l'acte de donation il a été stipulé des clauses particulières. Mais pour une voiture, si les papiers ont été faits au nom du défunt et qu'il y a l'un des héritiers de bonne ou de mauvaise foi refuse de rendre le véhicule, eh bien il n'y a pas de moyen, sauf procédure judiciaire à entamer, mais pour laquelle je n'ai jamais eu le cas, il n'y a pas de moyen de récupérer la voiture. Mario du Sud, j'ai eu une maison avec mes parents et j'aimerais donner cette maison à ma compagne. Alors, est-ce que c'est possible ? Alors, c'est possible, on peut donner les biens de la manière que l'on souhaite, mais il faut vérifier toujours cette notion de réserve héréditaire. Est-ce que je peux donner un bien à ma compagne si j'ai des enfants ? Est-ce que dans l'acte de donation, il est prévu une clause particulière ? Si je décède sans enfant, est-ce que le bien retourne avec mes parents ? Enfin, il y a plein de situations et de cas à voir. Il faut que cette dame-là prenne contact avec un notaire pour étudier la faisabilité de cette donation. On continue les messages avant de retourner au standard. Les messages par SMS avec Georges qui dit « J'ai acheté un terrain déjà payé et la personne... » Alors ça, c'est pas très sympa. La personne ne veut plus venir chez le notaire. Eh oui, on ne verse jamais le prix, le prix de vente avant d'être propriétaire. Et nous, notaires, passons beaucoup de temps à rappeler aux gens qu'il ne faut rien verser entre l'acheteur et le vendeur tant que les papiers ne sont pas signés. Maintenant, pour cet auditeur, eh bien, il va falloir entamer une procédure judiciaire. Espérons qu'il ait gardé la preuve des paiements qu'il a effectués. Et puis prendre contact avec un avocat pour entamer une procédure. Attention, prudence, ne faites jamais ça, c'est ça? Bien sûr, ne jamais rien verser au vendeur avant que la signature de l'acte de vente ne soit effectuée. Oui, mais parfois il y a la pression du vendeur qui dit « alors c'est maintenant parce que j'ai d'autres personnes qui attendent, etc. » Donc nous on est un peu pressés, on laisse un petit peu d'argent. Dans ce cas-là, l'argent doit être versé chez le notaire, ça constitue un dépôt de garantie. Le dépôt de garantie sera bloqué chez le notaire et versé au vendeur au moment de la vente en déduction du prix de vente, d'accord ? Mais si jamais il y a un problème entre le compromis et la vente, le dépôt de garantie étant chez le notaire, il ne peut être gardé par le vendeur, sauf non-respect des conditions du compromis de vente par l'acheteur. Mais, surtout, le conseil des notaires, c'est de ne pas verser d'argent au vendeur avant d'être propriétaire, avant que l'acte de vente ne se signe. Jean-Pierre de Saint-Denis. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Claude, bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Voilà, c'est juste une petite question là. Quand il y a une donation entre époux. Oui. Comment ça se passe lors du décès d'un des époux? Alors, lorsque vous avez une donation entre époux, la donation entre époux, elle est également appelée donation au dernier vivant. C'est un acte, c'est une disposition pour la succession, c'est un petit peu comme un testament qui vise à avantager au maximum son conjoint en cas de décès. Aujourd'hui, on sait que le conjoint, la loi réserve une partie de la succession pour le conjoint. Ça n'a pas toujours été le cas et ce ne sera peut-être pas toujours le cas. L'avantage de la donation entre époux, c'est que par cet acte, vous dites « Eh bien, moi, je veux que mon époux reçoive le maximum que je puisse lui donner. » Donc, ça s'applique au moment du décès. On ne signe qu'une donation entre époux par mariage. Hein, quand on se marie, même si on l'a signé il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, la donation entre époux s'appliquera toujours. D'accord. Ah oui, Jean-Pierre. Voilà, et les enfants, à ce moment... au moment du décès, ils peuvent réclamer... Alors, les enfants peuvent éventuellement réclamer leur part suivant le type de donation entre époux, suivant ce qui a été prévu. Il faut savoir que si l'époux garde la jouissance sur les biens qui composent la succession, que cela est possible et que cela ne mange pas la part de réserve des enfants, eh bien, dans ce cas-là, les enfants ne peuvent pas provoquer le partage. Tant que l'un des époux a la jouissance, a l'usufruit, on ne peut pas provoquer le partage. On a répondu à votre question, Jean-Pierre. Oui, c'est bien, merci. C'est bien, merci à vous. Merci d'avoir appelé, surtout. Passez un très bon week-end. De même. Dernière petite question arrivée par SMS au 06 92 608 335. Ma tante voudrait donner à ma fille la totalité de ses biens, elle-même n'ayant pas d'enfant. Quel genre de donation serait la moins coûteuse? Alors, comme je l'expliquais en début d'émission, il faut savoir que lorsqu'une tante donne un bien à son neveu ou à sa nièce, le coût des frais de succession, c'est-à-dire des taxes perçues par l'État sur ces transferts de biens, est très important. Il faut prendre contact avec un notaire pour étudier les différentes solutions. Les exposer comme ça, c'est un petit peu complexe. Bien sûr, ouais. Mais en gros, il y a des solutions qui peuvent être envisageables pour diminuer la note. On peut transmettre le bien et garder la jouissance. Oui. Plus ça va être fait tôt par la personne qui garde la jouissance, plus le coût va diminuer. On peut imaginer de vendre les biens aujourd'hui, de placer l'argent en assurance vie pour essayer de diminuer toujours le coût. Enfin, il existe des solutions. Il faut que cette personne-là prenne contact avec un notaire pour les étudier. N'hésitez pas à consulter un notaire parce que c'est gratuit, hein, bien la consultation. Sûr, bien sûr. Voilà, voilà. Merci, Maître Jérôme Siné, notaire. Merci d'avoir été avec nous sur la première. Merci, Claude. À très bientôt. 8h, 10h. Allô, première, Claude Montané. Nous partons sur le marché forain des Camélias, Saint-Denis. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Presca, bonjour. Claude, bienvenue ici à Saint-Denis, juste en face de la Sécu, hein, pour vous situer un petit peu le marché forain des camélias, où vous attend un panier garni spécial fête des pères avec ce mot de passe, la Jacquine. Alors Claude, pour la petite histoire, nous avons rencontré ce matin Jackie qui avait une variété de mandarine sans nom, une variété qu'il a greffée, hein, et qu'il vend en ce moment sur le marché forain. Donc du coup, on l'a baptisé en direct ce matin à 6h20. Donc Jackie Reval, c'est le parrain, et moi je suis la marraine de cette petite clémentine qui s'appelle la Jacquine, du coup, avec Réunion Première. Donc ça, c'est le mot de passe. Alors si vous êtes dans les parages, garez-vous, vous avez le temps, hein, vous avez au moins 30 minutes pour nous rejoindre. Et je peux vous dire que le panier garni, il est bien rempli. Il y aura même des fleurs pour les papas jardiniers que vous êtes. Nous sommes avec Luc. Luc, bonjour. Hello. Alors très occupé, Luc, ce matin. C'est ce qui reste, oui. Bon, il reste que les betteraves, mais il y a aussi des carottes. De couleur, oui. Super bonne. Alors, c'est quoi ces fameuses carottes de couleur, là ? Un goût différent, des vieilles carottes. Oui. Oui, je te coupe les betteraves. Ça se prépare comme les carottes normales. Oui. Sauf que... Est-ce que c'est mieux de les manger en velouté, en potage ou en salade ? En salade. Oui. En salade, c'est la carotte pour les salades, c'est bien. Avec une petite vinaigrette ou sans vinaigrette, hein, d'ailleurs. Oui, même avec la mayonnaise. Hein. Avec de la mayonnaise faite maison, vous verrez, ça passe très bien. Hein. Alors, Luc, vous vendez ça au tas, c'est ça ? Ça coûte combien ? 2 euros la botte. Oui. 2 euros la botte, il y a à peu près 1 kilo passé, voilà. Et là, vous êtes en train de faire quoi, là, avec le couteau, là ? Ah, là, je tranche les fans de betteraves pour une cliente habituelle. Donc, vous faites aussi de la betterave, hein, apparemment, c'est ça ? Madame, elle a son paquet de carottes à la main. Attendez, on va faire le tour, Claude, vite fait. Hop, pour prendre un petit peu les avis des consommatrices et des consommateurs qui sont sur le marché forain des camélias. Bonjour madame. Bonjour, vous êtes en direct sur Réunion Première. Comment ça va au marché forain des camélias ? Ah mais très bien. Vous avez trouvé tout ce qu'il fallait pour... Oui, vous avez trouvé tout ce qu'il faut pour la fête des pères ? Non, la fête des pères, moi je la fête pas. Ah, d'accord, bah ça c'est votre choix. Hein. Oui, c'est la fête des commerçants, je la fête toute l'année, quoi. Bon, et là, qu'est-ce que vous avez pour le week-end ? Alors là, c'est pas pour le week-end, c'est pour aujourd'hui, je mange énormément de légumes, donc des betteraves, des carottes. Comment est-ce que vous allez préparer les carottes de couleur ? Eh bien, je crois que je vais les préparer comme vous avez dit, c'est-à-dire en salade. Bon appétit, bonne dégustation avec Réunion Première. Nous vous attendons hein, sur le marché forain des camélias avec ce mot de passe pour décrocher votre panier garni. Alors, le mot de passe, c'est la Jacquine avec Réunion Première. À tout à l'heure. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Lionel Olivier, bonjour. Bonjour Claude. Et on va parler dans C'est encore mieux en première d'un groupe phare des années 80, oui. Depeche Mode. Vous avez dansé là-dessus, Depeche Mode avec le titre Personal Jesus, on en parle tout à l'heure, 11h20. Il est 10h, voici France Info. Nicolas Taillard pour le journal. Bonjour Nicolas. Bonjour. Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, ces deux policiers tués lundi dernier, recevront ce matin l'hommage de leurs collègues et de François Hollande. Rassemblement aussi cet après-midi devant le commissariat des Mureaux, une ville où le poids de la religion pèse au quotidien, illustration dès le début de ce journal. Nous irons aussi au Royaume-Uni où la campagne du Brexit est suspendue après la mort hier d'une députée pro-européenne, Jo Cox, tuée en pleine rue sur fond de tensions politiques. Le café sera sûrement servi, serré. Retrouvailles ce matin entre Myriam El Khomri et le patron de la CGT, Philippe Martinez, attendu au ministère du Travail, Raphaël Ebenstein, sur place pour France Info. Et puis la Russie sera-t-elle punie pour sa politique de dopage dans l'athlétisme ? Réponse dans la journée sur la présence ou non des Russes au JO de Rio. France Info. Et pour commencer donc ces hommages au couple de policiers tués lundi dernier. Une marche blanche hier dans les rues de Magnanville, une cérémonie ce matin autour de François Hollande et de près de 3000 policiers. Hommage national à Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin. Ce dernier était commandant de police au Mureaux et c'est devant le commissariat que les habitants de la ville sont appelés eux à se réunir en début d'après-midi. Un rassemblement citoyen, interreligieux pour maintenir un dialogue, un vivre ensemble, parfois compliqué au quotidien. Cécilia Arbonin. Pour délivrer un message de fraternité et de paix, les imams du centre islamique et de la mosquée Salam seront présents aux côtés du prêtre de la paroisse, le père Xavier. Pour ces policiers qui sont dans le désarroi d'avoir perdu leurs collègues, le message qu'on veut leur faire passer, c'est « on a besoin de vous, relevez la tête ». Dans cette ville de 31 000 habitants, les représentants des musulmans et des catholiques travaillent ensemble au quotidien, même si le curé reconnaît qu'il est difficile de résister à ce qu'il appelle la pression de l'islam. Il y a des pressions sur nos enfants, des enfants de familles chrétiennes, dès l'école pour qu'ils se convertissent. Mais c'est entre enfants. Hier encore, j'étais avec une maman et sa fille de 7 ans. Elle me dit, mais est-ce que moi, comme chrétienne, je pourrais aller au paradis ou moi, je suis vouée à l'enfer? Mais pourquoi elle dit ça? C'est parce que Khadija lui a dit, si tu te convertis pas, tu vas en enfer. Sa meilleure amie, Khadija. Et donc, c'est ce que beaucoup d'enfants musulmans pensent, qu'il n'y a que les musulmans qui vont au paradis. Voilà, il y a aussi cette présence de cet islam un peu rude, voilà, qui est prosélyte. Les enfants des écoles des Mureaux sont invités à venir tous ensemble devant le commissariat cet après-midi pour remettre des dessins aux policiers endeuillés. Cécilia Arbona, le courage à l'honneur hier avec une cérémonie de naturalisation bien particulière. Héros du Bataclan, Didi, vigile de la salle, est officiellement devenu français le soir des attentats. Il avait sauvé des dizaines de personnes en les mettant à l'abri des rescapés dont beaucoup ont tenu hier à être à ses côtés. L'émotion qui a saisi le Royaume-Uni, stupeur hier avec le meurtre en pleine rue d'une députée travailliste. C'était près de Leeds, dans le nord du pays. Un homme a tiré sur Joe Cox avant de lui asséner plusieurs coups de couteau. Un drame à très forte résonance politique, car la députée était une icône anti-Brexit, référendum dont la campagne a été suspendue à seulement 6 jours du vote. Franck Madvon. C'est en sortant d'une permanence hier avec des électeurs que Joe Cox a rencontré son meurtrier. Un homme de 52 ans l'attendait. Il a sorti une arme, tiré 3 coups de feu, puis frappé au sol la députée de plusieurs coups de couteau. Un autre homme qui a tenté d'intervenir a été légèrement blessé. D'après les médias anglais, le tueur s'appelle Tommy Mair. Des témoins l'ont entendu crier « Britain first », la Grande-Bretagne d'abord, un slogan nationaliste. Britain first est aussi un petit parti d'extrême droite. D'où la thèse d'un mobile au moins en partie politique. La police n'en dit pas plus à ce sujet pour le moment. Tommy Mair a été arrêté. D'après des médias, il serait lié à des mouvements d'extrême droite. Il est décrit comme un solitaire. Son frère fait aussi état d'une longue histoire de maladie mentale. La campagne référendaire est suspendue au moins jusqu'à demain. Elle ne reprendra sans doute pas avec la même agressivité. Ce matin, c'est le temps du deuil. Joe Cox était une députée respectée, mariée, mère de 2 enfants. Pluie d'hommages depuis hier dans la classe politique. Londres, Franck Madvon, France Info. Les hommages qui décidément se multiplient au rythme des tragédies aux États-Unis. C'est Barack Obama qui était sur les lieux de la tuerie d'Orlando hier. Nos cœurs sont brisés, a dit le président américain devant un mémorial improvisé à la mémoire des 49 victimes de la fusillade survenue dans un club gay. Et puis un mot de l'espoir, d'une explication à la catastrophe d'Égyptair. L'une des 2 boîtes noires de l'appareil a été récupérée hier. Elle est endommagée, mais l'unité de stockage qui conserve les conversations des pilotes devrait pouvoir être utilisée. La 2e boîte noire contenant les données du vol est-elle toujours recherchée? La reprise du dialogue ce matin entre Philippe Martinez et Myriam El Khomri. Le café sera chaud, mais les retrouvailles s'annoncent glaciales au ministère du Travail. Rendez-vous honoré par le secrétaire général de la CGT, malgré des relations particulièrement difficiles et tendues depuis plusieurs semaines. Raphaël Ebenstein, en direct avec nous, rue de Grenelle, à Paris, au numéro 127, exactement, Raphaël, devant le ministère et les bureaux de Myriam El Khomri. Et Philippe Martinez qui est arrivé, Nicolas, avec quelques minutes d'avance dans la cour du ministère du Travail. Philippe Martinez qui était très attendu, au moins par les journalistes, vraiment nombreux ici. Le secrétaire général de la CGT accompagné d'une petite délégation de 2 personnes a paru le visage un peu fermé. Il faut dire que l'ambiance du rendez-vous ne s'annonce pas très chaleureuse, doux euphémisme, après les accusations de Manuel Valls et les menaces d'interdiction des prochaines manifestations des 23 et 28 juin. Mais Philippe Martinez assure être venu avec un état d'esprit constructif. On va remettre à la ministre nos propositions, comme on l'a dit depuis un petit moment. Comme c'est le premier rendez-vous depuis un petit moment aussi, on va refaire le point. L'esprit des retrouvailles. Ouais, on peut dire ça comme ça. Myriam El Khomri a toutefois réaffirmé hier qu'il n'était pas question de suspendre le débat parlementaire, comme le demande la CGT, ou de retirer les articles les plus importants de son projet de loi. Bref, peu de chances que le dialogue, même s'il reprend donc ce matin, puisse aboutir à une forme de compromis. Raphaël Ebenstein en direct pour France Info du ministère du Travail. La loi Travail dont le Sénat a voté cette nuit la modification de l'article 2. La majorité de droite a mis au point une version beaucoup plus dure, revenant notamment sur les 35 heures. Le texte dans son ensemble reviendra en juillet à l'Assemblée. La réclusion criminelle à perpétuité prononcée hier à Pau contre Michael Berrel. C'était le principal accusé du meurtre d'Alexandre Ginca, un adolescent de 13 ans tué sauvagement en juin 2011. Les trois autres accusés ont écopé de 3 à 15 ans de prison. Et puis des peines de prison ferme également pour trois Russes arrêtés suite aux violents affrontements survenus à Marseille samedi dernier. 20 autres pseudo-supporters, dont une figure ultranationaliste, seront expulsés lundi et renvoyés en Russie. La Russie, dont les athlètes pourraient être privés des JO de Rio cet été. Conséquence d'un système de dopage organisé, révélé l'automne dernier. La Fédération internationale d'athlétisme doit prononcer sa décision dans la journée. Fabrice Rigobert. Depuis le début du scandale dans lequel les plus hautes instances russes sont accusées d'avoir organisé et couvert la triche à très grande échelle, la situation ne semble pas avoir évolué. La présence d'athlètes russes parmi les contrôles positifs révélés suite à des analyses rétrospectives sur des échantillons des Jeux de Pékin et de Londres n'a fait que confirmer les doutes, sans oublier les allégations de l'ancien patron du laboratoire antidopage de Moscou sur l'implication des services secrets, le FSB, dans l'échange d'échantillons aux Jeux de Sotchi. Pire, l'Agence mondiale antidopage affirme maintenant que des agents armés du FSB ont menacé d'expulser du pays des contrôleurs. 736 contrôles n'ont pu être menés à bien en Russie depuis novembre. De quoi convaincre les élus de l'I2AF de rester fermes et d'exclure les athlètes russes des Jeux olympiques de Rio, à moins que les pressions venues de l'Est soient trop importantes. La Russie reste la deuxième nation en athlétisme derrière les États-Unis. Fabrice Rigobert. Le foot est le premier 0-0 de l'Euro. Il en fallait bien un. C'était hier soir entre l'Allemagne et la Pologne. Trois matchs à suivre aujourd'hui. Suède, Italie, Croatie, République tchèque et Espagne, Turquie. Oui. Et puis le retour d'un groupe phare de la scène rock. Les Californiens des Red Hot Chili Peppers reviennent après 5 ans d'absence, sortis aujourd'hui de leur 11e album The Getaway, qui marque un retour à la fougue qui les a révélés, tout en restant Yann Bertrand dans une pop grand public qui a fait leur succès. Les Red Hot Chili Peppers, donc, certifiés rockers made in Los Angeles, torse nu, tatouage et visage de ceux qui ont vécu. La voix d'Anthony Kiedis, la basse sous ecstasy de Flea, le son est reconnaissable dans ce 11e album studio. The Getaway, la fuite, est une course vers quelque chose d'hybride, le rock et la pop, l'énergie et l'application de titres léchés. Impressionnante aussi la liste des collaborateurs, production signée Danger Mouse, l'homme derrière les derniers Black Keys, U2 ou le dernier Adele. Nigel Godrich, considéré comme le 6e membre de Radiohead aux arrangements, et un certain Elton John, oui, pour une toute petite partie de piano. Il est de bon ton de critiquer les Red Hot Chili Peppers sur le mode « c'était mieux avant » et pourtant,